Oui, rendez-vous de demain sur Fun Radio. Oui. On sera là à partir de 20h. Yes. N'hésitez pas à laisser vos messages sur le répondeur de Love in Fun. Hein. On écoute ça tous les soirs en début d'émission. Et attentivement. 01 42 48 5000. On écoutera le répondeur là dès demain. Doc, Karima, oui. On se retrouve. Karel. Bien sûr, dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. La place maintenant, bien sûr, à l'artiste. Non, oh, quel artiste. Bien sûr. Ah, oui. Et quel artiste. Est-ce que vous avez mon auditeur qui a un problème sur les cheveux là, non? On en a parlé hier. Non, on l'a pas eu. Non, la pelade. Bah oui, la pelade. Olivier qui perd des cheveux. Oui, ouais, bah, c'est-à-dire qu'il a un trou au niveau du crâne. Là, il m'a envoyé une photo. J'étais en train de bouffer en plus hier. Ça m'a. Enfin bon, bref. C'est toi qui as vomi dans le couloir. Non, c'est pas moi, mais j'aurais pu. Hein, mais non, c'est à mon avis, c'est toi qui a dû. Enfin bon, bref. Oui, je me suis répandu. Enfin, voilà, c'est ça. Il a dû se répandre, quoi. Bon, et ben voilà, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Mickaël. Qu'est-ce qui lui arrive à Lilou, là? Ah ben, angine. Une angine. Oh, quelle horreur. Elle est malade généralement à peu près 6 mois. Pas toi, c'est pas toi qui l'a contaminé là? Ah non, moi je fais trop attention physique. Il faut savoir. C'est méchant. Au lieu d'hurler comme ça, écoutez-moi, j'ai une belle histoire. Lilou, tout à l'heure, alors que j'arrivais dans l'open space où tout le monde est réuni, Lilou m'a raconté qu'elle mettait des suppositoires par le cul à l'eucalyptus. Et elle m'a bien expliqué parce que je l'ai piégé. J'ai dit, tu sais par quel bout on le met? Oui, on le met pas par le gros bout, on met par l'autre bout. Voilà. Ah ouais, mais une spécialiste. Poésie quand tu nous tiens, Lilou. C'est on ça. T'embrasse, on l'embrasse, chérie. Bien sûr. Bon, allez, bonne soirée à vous. À merci. Demain. Et nous, on est parti comme tous les soirs. C'est parti jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre cou, vous avez raté ça. Toi, t'aimes bien la fessée? Oui, et je pense que c'est un véritable hommage qu'ils font au cul de la femme. Et je lui dis, t'es quand même une petite pute, quoi. Et elle me regarde, et elle me dit, bah, tu ébruteras pas la chose. Si moi, j'en ai rien à foutre, c'est donnant. Donc, si t'es carré et puce. Oh, c'est bon, ça. Non, mais t'es pas bon, sérieux, toi. Olivier. T'es sérieux, là, Olivier? Ah non, mais la meuf, je l'ai défoncée chez moi. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes tous déjà allés voir la vidéo, la sextape de Nabila. Hein. Ah ouais, gros sextape. On, hein. On l'a mis sur le YouTube et sur le Facebook de l'émission. Donc allez la voir. Elle est là. Il n'y a pas de floutage. Non, hein. non, c'est, y a c'est, pas de... c'est brut, brut. Hein. Elle est brute. Hein, voilà. Ah elle, ouais, est, elle est brute. Voilà. La vidéo. Ah ben ouais, on l'a mise. On a hésité à la mettre. Et puis on s'est dit bon, on va la mettre quand même parce que y a vraiment la liberté de l'information. Ah bah ouais, oui, les gens ont le droit de savoir. Exactement. Donc c'est du lourd. La sextape que Nabila a perdu puisqu'on lui a piqué son téléphone, on en avait parlé hier dans l'émission à Cannes. Et donc elle a porté plainte, etc. La vidéo, évidemment, elle avait peur que ça le termine sur internet. Et ben évidemment, on l'a chopé, on l'a mise à dispo. Facebook.com, vous tapez Mickaël officiel et puis vous verrez la vidéo hein, donc de Nabila et de. Comment il s'appelle son mec encore? Thomas. Thomas, voilà, c'est ça. Donc allez voir. Facebook.com/Mickaël officiel. Voilà. Il y a un message de Dani qui dit c'était juste parfait, j'ai trop adoré. Ah, t'as vu par rapport à la vidéo? Par rapport à la sextape, les gens adorent. Et il y a Machiavel qui dit on est des pervers, bien joué Mickaël. Ben, avec plaisir, moi si on peut rendre service. Et Charles qui dit sale enculé Mickaël, je voulais trop l'avoir. Ben clique dessus Charles alors. Voilà. Bon, et Katia qui dit vous êtes trop fort, vraiment drôle, love, merci beaucoup. Tous vos messages qui arrivent évidemment en direct, comme tous les soirs, on est là jusqu'à 2h avec le hashtag et Mickaël, bien entendu. Vous balancez tous vos messages sur le Twitter de l'émission. Et puis n'oubliez pas de faire partager bien sûr. Faites tourner la vidéo, la sextape de Nabila avec vos potes pour voir leur réaction évidemment. Je compte sur vous. Voilà, pour tapez voir si kiff. Ouais, tapez Mickaël officiel et rejoignez-nous sur la chaîne YouTube de l'émission. Et si vous suivez, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, je m'abonnerai à la vôtre également. Donc si jamais ça vous branche, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous tapez Mickaël officiel et puis vous venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube de l'émission. Voilà, par contre, vous pouvez aussi évidemment rester branché jusqu'à 2h du matin. Surtout. On est là, 23h, 2h du lundi au jeudi, puis le dimanche, de 20h à minuit également. Il y a Olivier qui est avec nous maintenant. Salut Olivier. Salut Mickaël. Comment salut ça va? Salut toute l'équipe. Très bien. Est-ce que tu as vu la vidéo de la sextape de Nabila qu'on a mise tout à l'heure? Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Ah bah, mais il faut aller voir Olivier. Ah ouais, c'est du lourd. Hein. Ah bah oui, très, oui, très oui. Lourd. Ah, il va falloir y aller Olivier. Tiens Olivier, chez qui on avait fait l'émission à Noyon? Voilà, exactement. Bah, c'est pour ça me fait plaisir de vous passer un petit coucou. Non parce que. Eh ben, c'est oui. Gentil. Le prof. Eh ben oui, le prof de maths. Le prof, on m'a volé la règle. En bois, ah, tu l'avais offert. Non, ah non, si, c'est pas possible. Si, c'est si, pas possible. Si, si, l'on chourave. Quoi, c'est les élèves? Non, on l'avait emmené, puis je sais pas où ils l'ont disparu. Elle a disparu. Putain. Je suis dégoûté. Bon, on avait fait l'émission il y a quelques bosses au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. On avait février. Février, voilà. Février, ouais, c'est ça. On avait fait ça au mois de février chez Olivier. C'est la première fois qu'on faisait une émission en direct de chez un auditeur. Et ben, c'était chez Olivier. À Noyon, voilà. Donc, tout va bien depuis. Ah ouais, bah c'est excellent, j'en ai encore parlé ce soir d'ailleurs, et puis les élèves ils étaient écoutés, les parents aussi ont écouté, enfin bon, c'est impressionnant le nombre de personnes qui m'ont dit. Ah ouais, mais ça c'est quand on est victime du succès. Ah. Ouais. Mais d'ailleurs je voulais remercier Fun Radio parce que ça avait été un moment, mais juste, et puis vous bien sûr. Bah, ça écoute, avait été un moment juste extraordinaire. En plus, j'en reparle souvent avec mes amis d'ailleurs. Et Olivier, je t'avais dit en plus de nous envoyer tes factures Orange et EDF, on allait les payer là, une ou deux factures, tu les as jamais envoyées. C'est con parce que Fun ils sont blindés et c'est l'occasion. Non mais c'est vrai, je dis pas ça pour déconner. Envoie-nous les factures et puis on va les payer. Bon, je les mettrai sur la pile du matin. Le haut de la pile. Ça marche, mais c'était déjà un tel cadeau que vous soyez là et puis. Non mais d'accord, non, mais bon. T'inquiète. Fun, ils sont blindés, surtout le sous-chef, il est surblindé lui, donc blindé, donc faut vraiment pas avoir peur, hein, t'inquiète pas. Bah. Tu voulais dire Minette, un truc. Il y a Minette qui vous passe le bonjour, mon chat. Ah bah le chat, oui. Bah, très bien. Aussi, je voulais passer un bonjour à tous mes élèves, mais bon, leur dire aussi qu'il faut éteindre la radio et bosser un peu les maths, ça fait ouais, pas, ça parce pas que, mal. Il y a les examens qui arrivent là, effectivement, il va falloir le faire. Ouais. C'était vraiment exceptionnel et on a passé une super soirée. Moi, j'invite tous vos auditeurs à s'inscrire pour la prochaine fois parce que c'est juste énorme. Je pense qu'il faut le vivre. Vraiment, oui, c'est excellent. Faire l'émission en direct, évidemment. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Olivier. Super gentil. Bah, merci à vous. À très c'est bientôt. Gentil à toi. Émission. Salut, Olivier. À bientôt. Bisous, salut. Allez, ciao. Et si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas. Hein, 01 42 48 5000. On est là jusqu'à 2h. 02 851 4x0. Et puis vous passerez avec nous comme ça à l'antenne pépère. Comment va Sandro ce soir? En pleine forme, Romain? Ouais, ah mais je suis débordé, ouais, je suis débordé, qu'est-ce qu'il y a, on me fait chier là, je peux pas, voilà. Bon, Sandro qui est donc en pleine forme, et puis Tof, hein, qu'on aura l'occasion de faire des appels. Du con. Voilà. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour le trou du cul. Ah, c'est gentil. Voilà. PDA. Tout cet amour me va toujours droit au cœur. Bah, évidemment. Donc, on aura l'occasion de faire de nouveaux appels tout à l'heure. Et puis, l'armée des loups également avec Polo. Qui est là, l'armée des loups qui grossit là tous les jours de nouveaux doux. Et donc, pour rappel, les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Je suis en train de négocier avec François Hollande afin que une partie de l'armée des doux défile le 14 juillet. Ah, bah parfait. Voilà, astiquez vos petits couteaux et vos lance-pierres, les deux. Très bien, parfait, donc faites attention quand même. Hein. Bon, et si vous avez envie d'écouter un morceau en particulier, bah, vous demandez avec le hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Il y a Nathanaël également qui est avec nous là dans le 42. Salut Nat. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bon, ça va. Bon, tranquille, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir, Nat? Ouais, sur ma route de Black M. Sur ma route, j'ai Madame Pavochko, mais j'ai pas l'autre sur ma route. On me l'avait déjà demandé, il faudrait que je le mette. Mais j'ai celui-là si tu veux. Bon, évidemment, celui qu'on entend tout le temps là. Hein. Ouais. Voilà, mais je vais essayer. Ça fait deux fois qu'on me le demande là. C'est vrai que je l'ai pas. Faudrait que je le mette dans la machine, le sur ma route là. Je crois que c'est le son préféré à Mickaël en ce moment. De quoi, Madame Pavochko? Ouais. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, je détestais le morceau au début, puis après, il rentre dans la tête. À force d'entendre. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais si, ouais. C'est une fois que tu l'as dans la tête, tu peux. Polo, ouais. Il le chante dans tous les couloirs. Mais avec Sandro, ils sont là. Et ouais, Madame Pavochko. Surtout Sandro. Elle adore les moments grave. Où il voilà. Dit vos gosses me kiffent, Madame Pavochko. Exactement, ouais. Voilà. Et puis sinon, on aura aussi le nouveau Nicki Minaj avec Pills and Potions. Voilà, nouveau Nicki Minaj que je vous ai prévu ce soir. Et le nouveau Will.i.am avec Birthday. It's my birthday, it's my birthday. Par contre, il a un peu la bourre, hein. Will.i.am, mon anniversaire, c'était il y a un mois. Je dis ça après. Et puis bien sûr aussi Avicii, mon son préféré, les Me Down, ça va passer tout à l'heure ça aussi. Et puis bah, si vous avez envie d'écouter les sons, n'hésitez pas, hein, voilà, Nathanaël, vous voulez Black M, on mettra tout à l'heure. Et puis si vous voulez un truc, hashtag et Mickaël, surtout, n'hésitez pas. Bon, alors, Nathanaël, oui. Tu nous appelais pour faire la colle et tenter de repartir avec la GoPro Hero 3 Plus ce soir. C'est cela, ouais. Eh ben, c'est cela, oui. Eh bien, vas-y, Nathanaël, fais péter la colle, on va voir si les auditeurs trouvent ou pas la bonne réponse. Donc, à ciel dégagé, on peut marcher vers lui, mais on ne l'atteint jamais. Qui est-ce? Alors, à ciel dégagé, on peut marcher vers lui, mais on ne l'atteint jamais. Qui est-ce? Moi, je sais. C'est quoi? C'est ma bite. Ah, la bite? Non, c'est pas ça. Putain, ah, c'est mais pas si ça. Non, bah non, non. Un de ces quatre peut-être, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben, c'est à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et je vous mets la colle dans 30 secondes sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir la lire, vous allez pouvoir également y répondre et peut-être même être tiré au sort pour repartir avec cette GoPro Hero 3 Plus. Facebook.com, vous tapez Mickaël officiel. T'as vu, Nathanaël, toi, la vidéo de la sextape de Nabila qu'on a mise en ligne tout à l'heure? Non, du tout. Ah bah il faut aller la voir mec, parce que avant qu'on nous oblige à la supprimer hein. Ah bah oui, ah bah non que... mais maniez-vous parce que ouais. Je m'attends à ce qu'on doive la supprimer très rapidement, donc perdez pas trop de temps quoi. Voilà, je dis ça c'est pour vous hein. Ouais parce que y a Nabila elle m'appelle mais je décroche pas pour le moment. Bah évidemment. Y a Timothée qui dit bon bah pas de vidéo de sextape Mickaël, je veux défiler Polo, je prends Easy comme comme arme. Ah bah non, on prend pas mon chat. Attends, il est pas encore mature pour ça. Il y a Loïc qui dit Mickaël, t'es vraiment trop con. La vidéo, c'est bien vu. Je me suis fait avoir comme une merde. Je vois pas de quoi tu parles. Alaïs aussi qui dit, peut-on avoir un message de bienvenue pour l'internat Saint-Jean-au-Puy? On vous suit depuis le début de l'année. Dédicace au poil de carotte. Eh bah bien sûr, Alaïs, on embrasse tout le monde là-bas. Et puis dédicace au poil de carotte. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour trop du cul. Bah voilà. Bon, allez, reste avec nous, Nathanaël. On va te reprendre tout à l'heure, évidemment, pour que tu puisses répéter la colle. Et puis on donnera la réponse avant minuit 30. Si jamais vous trouvez la bonne réponse à la colle de Nathanaël, vous repartez avec la GoPro. Si jamais personne ne la trouve ou que la personne qu'on appelle décroche pas, eh ben c'est toi, Nathanaël, qui repartira avec la GoPro. Et pour info, hier, c'est le poseur de colle qui a gagné. Eh oui, comme quoi ça arrive. À tout à l'heure, Nat. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et puis on fera aussi le jeu du je t'emmerde ce soir du lourd. Pourquoi il marche pas? Ah, voilà. Je t'emmerde. Et je t'emmerde. Exactement, voilà. On jouera donc tout à l'heure. Et puis je viens de tomber sur une info assez marrante. Je l'ai mise sur le Facebook il y a une vingtaine de minutes pour que vous puissiez déjà y répondre. Qui dit que notre visage définit notre vie sexuelle. Ouais. Donc venez nous dire comment est votre visage. Hein. On va voir si le site dit vrai. On va faire le tour de l'équipe déjà. Hein. Bon. Alors, commençons par Toff. Ah bah oui, normal. Bon, très bien. Alors. Les sourcils sont-ils petits et clairsemés ou épais et fournis? Petit et clairsemé. Petit, ouais, petit, ouais. Alors, petit et clairsemé, ah ouais. Pas d'intérêt sexuel, plutôt branché zénitude, plus spirituel que sexuel. Bien sûr, je suis quelqu'un de très spirituel, c'est vrai. La preuve. Mais oui, évidemment. Alors, les yeux très clairs ou très foncés, donc très clairs. Très hein. Clair, ouais, je pense. Envie que... d'atteindre de nouveaux sommets et adepte des solutions rapides. Moralité, éjaculateur précoce. Ouais. Non, facilement satisfait sexuellement. Non, je préfère me branler, c'est tout. Bah, facilement satisfait sexuellement. Ah oui, très facilement. Très une bonne pipe et c'est fini. Moi, alors, je vais dormir. Le nez retroussé ou le nez bosselé? Ah, il est bosselé. Ouais, bosselé. Ouais. Il est légèrement bosselé. J'ai un bon goût prononcé pour le sexe, fantaisiste, c'est mieux. Ah oui, ça je suis d'accord. Alors, lèvres et bouche. Grande bouche ou petite bouche? Petite. Ouais, petite. Petite bouche, ouais. Ils sont imaginatifs, créatifs, ils atteignent aussi rapidement l'orgasme. Niveau affection, cependant, ils ne seraient pas les plus aimants. Mmh. Et enfin, est-ce que la lèvre inférieure est pulpeuse ou pas? Non. Non, bon alors non, bah alors. Non, ouais, non, mais c'est, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, il y a du vrai là-dedans. C'est pas trop mal. On fera avec moi, on fera avec Polo, on fera avec Sandro, on fera avec vous également. Là. Appelez-nous, hein, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Marin aussi qui dit on vous aime, oh, c'est gentil, merci à toi. Léna est ici. Ben, fini, on va recommencer. Léna qui disait aussi je vous écoute tous les soirs, je vous adore, vous me faites trop rire. La vidéo, c'est une pure bombe, c'est Sarasvati. Mais justement, dépêchez-vous si vous voulez aller voir la sextape de Nabila, on l'a mise en ligne tout à l'heure, on risque de nous la faire enlever, ouais. Donc maniez-vous. Et DJ Gizmo qui dit j'ai partagé la sextape avec mes potes, ils l'ont trouvée intense et surprenante. Ah bah oui, ah bah attends, c'est clair, c'est pour ça qu'elle a porté plainte, elle avait peur. C'est et Valou fou. Qui dit bonsoir, 3 jours que je vous ai pas écouté, vous m'avez manqué. Et Valou, est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu nous as pas écouté? Quoi qu'il en soit, ça mérite un coup de pelle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il est 23h13 sur Fun Radio. Dans quelques minutes, je vous cale le son de Dioro avec 5 Hours. Et puis on est tous là ensemble, évidemment, jusqu'à 2h du mat, avec les appels de Toff qu'on fera dans moins d'un quart d'heure. Et puis on va continuer à vérifier si votre visage transpire le sexe ou pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux! Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct avec Valou qui dit merci, trop gentil coup de pelle. Double honte pour moi, j'ai pas écouté parce que je m'endormais trop tôt. Ah bah. Encore une, alors là, parce que encore t'aurais une vraie excuse. Mais là, là, quand même, Valou. Timothée aussi, demain j'ai 3 contrôles, mais je vous écoute quand même. Et Sarasvati qui dit Mickaël, je ne sais pas où tu trouves tes tests à la con, mais qu'est-ce que c'est drôle. Écoute, je sais pas où je trouvais sur internet évidemment, mais bon. Bon, Justine qui dit mort de rire, tu m'as tué. Il y a Virginie qui dit ça fait plaisir d'avoir des nouvelles du prof. Et puis Adrien qui dit oh mince, t'abuses Mickaël, je commençais à me pouiller en espérant voir la vidéo. Ben regarde là, Adrien, là. Mais va jusqu'à la fin. Va jusqu'au bout, c'est ça l'important là. Et Flo Marin qui dit bonsoir l'équipe. Salut Flo, il y a du monde ce soir. Et puis un message de The Best Fan of Michael qui dit tu pourras passer Killing in the Name des Rage Against the Machine ou Rock and Roll Train de AC/DC. Bah oui. Alors moi je kifferais bien ma race d'en mettre un des deux, voire les deux, mais c'est pas très dance floor quoi. Rock and Roll Train. Voilà, c'est pas très dance floor, même si j'adore les deux, hein, aussi bien l'un que l'autre. 23h16 sur Fun. Bon, allez hop, c'est parti. On se fait le son de Dioro maintenant sur Fun avec 5 Hours. Et puis on va vérifier donc vos visages afin de voir s'ils transpirent le sexe ou pas. On fait les appels de Tof dans quelques minutes. Et le je t'emmerde, tout ça c'est prévu dans moins d'un quart d'heure. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Appelez-nous. Mickaël Nolimit sur Fun Radio. Allez, c'est Fun Radio, bienvenue si vous arrivez là, 23h20. Il y a Yannick qui dit c'est où cette vidéo les gars? Bah tu tapes Mickaël officiel sur Facebook et puis tu vas la trouver, j'ai mis le lien. Et puis sinon si t'as déjà un compte YouTube, tu tapes aussi Mickaël officiel et tu verras la vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est archi simple. Ah bah c'est archi simple. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube également. Si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai à la vôtre également. Voilà, un échange de bons procédés. Il y a Hugo qui dit t'es sérieux sur la sextape? Moi j'avais déjà sorti ma bite, j'étais au taquet et là je vois la tête de Mickaël. Youpi, là je débande. Dis-toi que t'aurais pu voir salle de Tof. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être pire. Hein, c'est ça. Il y a Marin aussi qui dit peut-on avoir un mot de bienvenue pour l'internat Saint-Jean au Puy? Encore? On vous suit depuis le début depuis le début de l'année, dédicace à Paul de Carotte. Encore aussi? Décidément, il a deux là. Bon, bah, un petit message aussi, bah vas-y. Ferme ta gueule! Voilà, il y a Alexis qui dit salut la team, vous êtes la meilleure radio, bah, c'est gentil. Et Jérémy Titi qui dit j'adore la vidéo, j'ai bien rigolé, trop fort mon ami, bah, merci à vous. Et puis bah allez voir encore une fois avant qu'on fasse supprimer là. On s'est obligé. Et ça nous pend au nez, hein, donc méfiez-vous quand même. Bon, 23h20 sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs, avec dans quelques minutes le je t'emmerde. Yo, je t'emmerde. Voilà, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Et puis vous en direct, hein, donc appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tiens, il bosse la coiffe qui dit la vidéo est excellente, Mickaël enfoiré. Mais putain, pourquoi vous m'insultez tous comme ça? C'est dingue. Non, oui, c'est parce que tu as bafoué la vie privée de cette pétasse. Oui, peut-être. Arrête d'insulter les gens comme ça, ça c'est vrai. C'est vrai, tu vas finir au coin encore pendant une minute là, méfie-toi. C'est dingue, bon. Ces gens qui assument pas ce qu'ils font. Mais c'est ça. Bon, il y aura Gilo à suivre. Ce sera First Love. Et puis je vous avais promis avant la fin de l'émission, même avant minuit d'ailleurs, le nouveau son de Nicki Minaj avec Pills and Potions. J'aime bien ça. Ouais, il est pas mal. Ça me donne envie de voler sur un nuage. Ah, je croyais que ça te donnait envie de niquer Tof. Non, ça non. Ah d'accord, je pensais. Dans les chiottes. Non. Non plus. Bon, très bien. Nicki Minaj de nouveau. Ce sera Pills and Potions. Et ce sera dans quelques instants. Bon, allez, restez. Tiens, ça me rappelle un titre, ouais. Ça, Pills. Attends. Peut-être que je l'ai encore sous la main là. C'était un vieux morceau qui passait avant. Non, pas du tout. C'était bien violent, Pills. Ouais, bah c'était violent. Ah voilà, non, voilà, voilà, du, voilà, voilà. Rock techno. Me. C'est de la techno. Ouais. Ah oui. Ça c'était le nom du groupe. Ah c'était bizarre hein, comme titre, je vous le dis. Hein. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais ça date d'il y a longtemps. Hein. Je crois que c'est 99, un truc comme ça. Exactement. Et quand j'étais petit, quand j'avais 2 ans, 3 ans, je suis parti le voir en concert. Ça? Ouais. T'es sûr qu'on parle du même là? Ah, Pills avec ses cheveux rouges et tout. Et c'était je sais plus où c'était, vers Bastille là, au nom de la République. Et je rentre avec un pote, il était foncedé, je vous le dis tout de suite, et on rentre comme ça. Pour faire une musique pareille, oui, et il faut l'être. Et le mec, écoute, je n'ai jamais entendu un son aussi violent que ça, tellement ils avaient mis fort, tu sais quoi, au bout de 3 minutes, le mec il m'a dit, je m'en vais, je peux pas rester. Et il s'est barré quoi. Ah ouais. Moi je suis resté 10 minutes et j'en pouvais plus, il y avait un vrai batteur et tout, c'était d'une violence. Non, dites-nous si vous voulez qu'on le passe celui-là tout à l'heure, tiens, le Pills avec Rock Me. Moi je l'aimais bien finalement le morceau. Et c'est Dancefloor. Écoutez. C'est particulier, hein, je vous avais prévenu. Hein. Attends, je vais mettre un peu plus loin là, attendez, hop là. Ah, il est pas mal. de ce soir. Monkey, bienvenue. Le morceau est vieux, le morceau est vieux. Bah dites-nous si vous voulez qu'on le passe, ça changera un peu là, vous nous le dites avec le hashtag et Mickaël. Le son de Pills avec Rock Me. Voilà, merci Nicki Minaj d'avoir appelé ton titre Pills and Potion. Ça m'a fait penser à Pills et Rock Me. Donc voilà, si vous voulez qu'on le passe tout à l'heure, je le mettrai en entier, il n'y a pas de problème. Vous demandez sans problème. Florian qui dit pas mal la vidéo, je crois que beaucoup de gens se sont fait avoir. Mais avoir de quoi? Bah ouais, je comprends pas pourquoi, je vois pas pourquoi tu dis ça, Florian. Je voudrais une dédicace bien dégueu, ça fait depuis longtemps que je vous écoute et je vous kiffe. C'est Lucas qui avait envoyé le message. Et bah écoute, je vais t'en mettre une. Lucas. À te faire enculer au PD, voilà. Voilà, Lucas. Bon, il y a Olivier avec nous maintenant de Marseille. Salut Olivier de Marseille. Salut Mika. Comment tu vas? Bien et toi? Bah écoute, très bien Olivier, tranquille, tranquille. Ah, tu nous appelais pour voir si tu avais un visage qui transpire le cul ou pas. Ouais. Très bien. Bon, alors est-ce que tu as les sourcils petits et clairsemés ou plutôt épais et fournis? Épais et fournis. Ah, alors tu es tu es comme Polo alors. Ouais. Sexuellement excessif, ah, paraît-il. Oui. T'as les yeux clairs ou foncés? Clair. Clair, donc ça c'est comme Toff. T'imagines le mix? Oh là là. Envie d'atteindre de nouveaux sommets et adepte des solutions rapides, facilement satisfait sexuellement donc. Le nez est plutôt retroussé ou bosselé? Retroussé, donc ça c'est ouais, c'est pas comme Toff. Donc indique quelqu'un de rêveur et de romantique. Ils n'ont pas d'intérêt dans les aventures érotiques. Oh, ah bon. C'est triste. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Et alors, grande ou petite bouche? Petite, ça c'est comme Toff aussi. Donc t'es plutôt imaginatif et créatif. T'atteins rapidement l'orgasme. Et niveau affection, en revanche, c'est quasiment le néant. Et la lèvre inférieure est-elle pulpeuse ou pas? Non. Elle est pas pulpeuse. Bon, bah alors t'es un mix entre Toff et Polo. Mais je sais pas horreur. Si tu dois bien le vivre ou pas. Mais vis le mal, mec, suicide-toi. Non, je rigole, je mais j'espère que ce n'est que psychologiquement, parce que physiquement ça doit être très dur à vivre. Et oui, ah bah oui, non, t'imagines. Je suis bel homme. Non, mais t'as la tête de Toff avec les gros sourcils. Non, oh, t'imagines, je l'horreur. Suis beau. En fait, c'est fait exprès. Je suis tellement beau que je suis obligé de m'en les dire un peu parce que les filles me perturbent dans la rue. Donc, j'ai laissé pousser cette espèce de semi-chevelure sur mes yeux. Voilà. Le pire c'est que comme il a enlevé les cheveux, il a tout rasé et qu'il a rasé, bon une fois il s'est rasé de près au niveau de la barbe et de la moustache, du coup je ne vois que ses sourcils. Ouais. J'ai l'impression d'avoir Emmanuel Chien mais en chauve. Non mais c'est vrai, c'est hyper perturbant. J'en ai pas autant que lui. Non, pas autant, mais comme t'as tout enlevé en fait, c'est hyper flag. Bah oui, c'est parce que bah oui, ils sont encore noirs. C'est comme si moi je rase mes cheveux, on va voir que mes sourcils. Hein. Ok. Ah, bah ouais. Ça en plus j'ai pas une tête à avoir la tête rasée. Je l'ai jamais fait, hein. Mais jamais je pourrais le faire. Enfin, si il tombe, il tombe. Mais je veux dire, sinon, je pourrais pas. T'imagines, t'imagines sans cheveux? Ah oui. Oh là là. Toff, il a déjà essayé, il avait une tête de con, lui. Ah ouais, mais j'ai une tête horrible sans cheveux. Ah ouais, ouais. On va essayer de retrouver une photo, je vais vous la mettre, vous allez voir à quoi ça ressemble. T'es chauve ou pas, toi, Olivier? Pardon? T'as encore tes cheveux? Tu les perds un peu ou pas? Non, je les ai encore. Tu les as, mais tu les perds pas? Non. D'accord, ok, bon, bah très bien. Bah voilà, maintenant tu sais ce que t'es. Ton visage est à moitié comme Toff et à moitié comme Polo. Résultat, il transpire le sexe. Ok, j'espère que tes une dédicace. Copines seront contentes. Oui, bien sûr, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Alors, je passe une dédicace à Binge, Alex et à Maury. Très bien, eh ben, écoute, le message est passé. Salut Olivier. Super, merci, bisous. Allez, à bientôt, ciao à toi Olivier. Il y a David avec nous maintenant, là. Oui, salut David. Moi. Oui, ça va David de Roubaix? Salut, ouais. Oui, t'as quel âge David de Roubaix? 41. Ah, quand même, hein. Bon, David. Bon, note, ça ne fait que quelques années de plus que nous, hein, que Polo. Bon, ouais. Quand même, quelques années quand même. Allez, quelques années. Beaucoup, beaucoup. Bon, David, qu'est-ce qui t'amène? Ouais. Oui. Attends, oui. J'ai trouvé le problème. David, coupe la radio. Ah, attends. Ah oui, bah parce que sinon il attend que. Parce que quand on parle dans le micro, au moment où vous entendez à la radio, il y a quand même parfois une ou deux secondes de décalage. Oui. Donc du coup, si vous laissez la radio allumée, bah, vous avez tendance à répondre voilà, à bon. Ce que vous entendez à la radio et du coup, il y a réellement un décalage. Ah. Ça y est, c'est fait, David de Roubaix. Tempé. Parfait. Bon, qu'est-ce qui t'amène, David de Roubaix? Bon, j'ai un problème de. Oui. Oui. T'as un problème de quoi? D'alcool? Ah, non. Ah, bah oui, mais ça arrive. Hein. Depuis toujours ou c'est récent? Bah, non, tout le temps. Mmh. Non, mais tout le temps. Enfin, je veux dire, depuis toujours. Ouais. D'accord, ok, très bien. Oui, bah écoute, t'as déjà essayé de travailler un petit peu là. Parce qu'en fait, apparemment, bon, c'est ce que j'ai entendu, hein, l'éjaculation précoce peut venir entre autres du fait que quand on était petit, on avait tendance à se branler super vite de peur de se faire griller par les parents, les grands-parents, machin, etc. Oui, mais alors, ouais, c'est-à-dire que bah, tu diras ça au doc. Moi, je me branlais super vite parce que j'ai. Et, alors, ça, c'est Toff, tu vois. Comme lui le faisait et qu'il n'est pas éjaculateur précoce, a priori, ça n'arrive pas. Non, j'ai dit, en règle, ça peut venir de là. Ouais. Bah si, oui, même le doc l'a causes, dit. C'est une des causes, bien sûr. C'est que du coup, tu t'es habitué à te branler vite et à terminer vite. Et ben, du coup, effectivement, c'est devenu normal. Et après, c'est hyper compliqué d'arriver à redresser. Parce qu'il faut parfois dresser la bite. Hein. Non, mais c'est vrai. Dressage et tout avec le fouet. Ça va bien, 30 secondes, c'est bon. Et est-ce que c'est comme avec les... 30 secondes, ah oui, c'est un peu peu, ouais. Est-ce que c'est comme avec les lions, il faut lui parler en allemand? Peut-être. Parfois, oui. Non, mais c'est possible. Hein. Bon, reste avec nous, David. On va demander aux auditeurs s'ils ont déjà vécu ça, les filles aussi. Vous avez des conseils, des solutions, peut-être des demi-solutions, mais en tout cas, pour que ça aille un petit peu mieux, parce que c'est vrai que 30 secondes, c'est quand même un petit peu ledge. Eh ben, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Yannick qui dit, vous êtes les meilleurs, trop bien la vidéo, quand elle se fait ravager par derrière. Ah bah ouais, attends, c'est le meilleur, là. Ah mais non, mais c'est le meilleur, hein, Yannick. T'as raison, en plus, hein, effectivement. Et alors, Aria qui dit, je passe un entretien dans demain matin tôt en espérant la voir souhaitez-moi merde mais je vous écoute jusqu'à 2h promis rien à foutre vous me donnerez un peu de punch pour demain je vous adore bon en tout cas Aria quoi qu'il en soit on te souhaite bonne merde justement tiens bon on va faire les appels à toffe dans quelques minutes ah oui ça et justement longtemps. j'ai tombé sur un très très bon sondage ah et oui les mecs aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle, j'ai une information grave pour vous les mecs justement. Je sais de quel type de mec vous devez vous méfier. Ah bon ? Oui, parce qu'apparemment, selon une nouvelle étude, hein, 40% des femmes pourraient tromper leur copain avec un sportif. Ah. Voilà, donc si vous sortez avec un mec, rassurez-vous, normalement, si vous sortez avec une meuf, normalement elle ne devrait pas sortir avec Toff à un moment ou à un autre, hein, vu que le côté chance, sportif, il est en négatif au niveau du sport. Ouais, j'ai encore... il doit des points au sport. Ouais, j'ai encore des à rattraper un peu. Et ouais, bah, un petit peu quoi. Donc on va vérifier ça en faisant quelques appels malveillants à caractère pornographique. Hein. C'est comme ça toujours. Que la police a surnommé les appels de Toff. Oui. Voilà. Appel malveillant à caractère pornographique. Donc on va faire ces appels dans quelques minutes. Et puis bah on va en parler également. Le temps d'écouter le son de Gilo sur Fun Radio avec First Love. Juste après, on va jouer avec Léo et avec Eliane. On va jouer au Je t'emmerde comme tous les mercredis soirs sur Fun Radio. Il est 23h30. Bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limite. N'oubliez pas la vidéo, la sextape, magnifique sextape de Nabila. Allez voir sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel. Allez, bonne soirée tout le monde. Le son de Gilo à l'instant sur Fun Radio. Et puis je vous rappelle que si vous voulez discuter avec nous, ça marche aussi par SMS. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limite, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et c'est plutôt cool, il y a DJ Damino qui dit oui, on veut le son de Pils là. Je vous en avais parlé tout à l'heure avec Rock Me, un bon vieux son. Jérémy Titi qui dit oui, mille fois oui, pour le titre de Pils. Et bah très bien, bah écoute, on le mettra tout à l'heure. Alors bah, restez bien là, il y a un message de Christella qui dit putain le bâtard mort de rire, mais je sais pas de quoi il parle. C'est la vidéo, je crois. Bah peut-être. Ah oui, bah c'est certainement le mec de Nabila. Ah ouais, Thomas, ouais. Ah bah bâtard. Bien sûr, évidemment. Il y a Rastadeth aussi qui dit plaignez-vous, moi j'arrive même pas à pénétrer ma copine. J'aurais préféré être précoce à la limite. Mais pourquoi t'arrives pas à la pénétrer, Rastadeth? Parce que t'es tellement précoce que t'as pas le temps ou, c'est ça, un, ou deux, parce trois, que pouit. T'as mal ou dis-nous un petit peu plus là, plus d'infos là, parce que je vois pas. Et Timothée qui dit j'ai parlé de vous à la prof d'anglais, elle m'a répondu ça parle de sexe, je lui ai dit oui. Donc elle m'a dit faut dormir la nuit. Oh, mais elle est coincée. Ah ouais. Dis-lui qu'elle nous écoute, qu'elle nous appelle, on fera des cours d'anglais en live. Ouais. Voilà. Elle nous appelle et promis, on fera une petite séquence cours d'anglais. Ouais. Envoie-nous une photo avant qu'on voit quand même à qui on parle. Oui, c'est bien aussi. Ah, et puis Marine aussi. Marine aussi qui dit de la part de tout l'internat, Saint-Jean, on vous remercie et franchement continuez, vous êtes géniaux. Bah, merci, on embrasse tout le monde à l'internat là. Et puis allez dormir là, 23h35, il y a des pions qui vont débarquer et ça va encore gueuler. Ouais, si on a le numéro de l'internat, qu'on nous l'envoie, on va vous appeler là. Ah bah oui, on va vous appeler, puis on va surtout prévenir le pion. Ouais, on va. Et Joris qui dit génial la vidéo avec Nabila, je me suis fait avoir comme une merde. Mais t'as été trop rapide. Et trop précoce. Ouais. Ah oui, bah attendez, il y a du lourd dans la vidéo. Hein. Tellement d'excitation que tu trop. Paf, tu tires vite. Beaucoup trop. Bon, et Mickaël officiel, allez la voir la vidéo, hein, la sextape, on en avait parlé hier et on a mis la main dessus cet après-midi. La sextape donc de Nabila, c'est sur le Facebook de l'émission qu'elle est à voir. Vous tapez Mickaël officiel et rejoignez-nous également sur la chaîne YouTube. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, et ben je m'abonnerai à la vôtre. Voilà, tapez Mickaël officiel, c'est aussi simple que ça. Bon, avant de récupérer David avec son problème d'éjaculation précoce, Olivier qui voulait réagir, on va se faire le je t'emmerde dans quelques instants, et ben on va faire les appels de Toff. Ah. Appel de Tof donc à base de tromperie. Enfin tromperie. On est tombé sur une étude qui disait que 40% des femmes pourraient tromper leur copain avec un sportif. Oui. Moralité, il faut se méfier des sportifs. On va donc vérifier ça maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof comme tous les soirs, c'est-à-dire toph@funradio.fr. On y va. Je les attends avec impatience. Évidemment. Le Allez. Plus possible. Tout à fait. C'est parti, on y va, on appelle, il est 23h36 sur Fun. Et puis on fera je t'emmerde dans quelques instants. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, allô, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir avec quel type d'homme vous seriez prête à tromper votre mari ? Vous êtes malade ? Non, pas du tout madame, pourquoi vous dites ça ? Vous êtes complètement malade là ? Mais non, pas du tout madame. Moi j'ai pas que ça à faire. Mais, d'accord, mais ça répond pas à ma question madame. Oui. Genre elle a pas que ça à faire de répondre à une question. C'est ça, parce qu'elle répond juste le type de mec et puis on en parle plus. Bah voilà, bon, on rappelle. Allez hop, on y retourne. Oui, non, je m'excuse, mais on a été coupé. Oui. Oui, non, bah, parce que du coup, vous n'avez pas répondu à la question. D'accord, c'était quoi la question ? Ah, mais je voulais, pardon, parce que je pensais que j'étais avec madame. Je demandais à votre femme avec qui elle serait prête à vous tromper, enfin, quel type d'homme ? Mais t'es complètement con, toi. J'ai fait chier les gens, pourquoi, là ? Excuse-moi. Je veux pas chier, monsieur, je vous pose une question. Non, mais attends, mais sans déconner, c'est quoi tes questions, là ? T'es à la radio ? C'est quoi ton c'est un jeu ? C'est quoi ton délire, là ? Bah, non, monsieur, c'est une question. Sans déconner, pourquoi t'appelles en masqué ? Bah parce que c'est bloqué dans mon téléphone, mais je vous donne mon numéro si vous voulez. Ouais, c'est quoi, va te faire enculer avec tes jeux à la con là. Ah non monsieur, non ! Ah si si. Oh non ! Ah si si, il va falloir y aller. Ah si si si si, attends, on va quand même le rappeler encore un petit coup avant. Hein. Bon, ça parle beaucoup de Nabila sur le Facebook, je vous annonce. Hein. Bon. Allô ? Oui, je m'excuse madame, mais parce que j'étais avec votre mari, mais on a été coupé aussi. Et du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais j'en ai rien à foutre, arrêtez de m'appeler, c'est tout. Bah s'il oui, vous plaît. Mais répondez à la question. Mais répondez à la question. Je m'en fous, ne m'appelez plus. Mais non, mais c'est moi qui veux la réponse, madame, c'est pas mais vous. Je m'en fous. Mais non, parce que vous comprenez pas, parce que en fait, vous répondez à la question et puis on arrête de s'appeler. Non, je répondrai pas à votre question, c'est tout, point barre. Bah oui, mais alors j'étais obligé de vous rappeler, madame, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Oh, elle est relou là, elle pourrait répondre à la question. On la rappelle encore une fois, puis après on l'arrête. On va bien finir par répondre. On aurait gagné pas vachement de temps quand même. Quel relou. Bon. Allô ? Oui, madame, je m'excuse, mais faut pas vous énerver comme ça. Oui, et puis après ? Bah après, je voulais juste la réponse, madame, savoir avec quel type d'homme vous pourriez tromper votre mari, c'est tout. Oui, bah je suis lesbienne, comme ça c'est fait. Bah non, ça c'est pas beau de mentir, madame, parce que je sais que votre mari est là. Si, c'est pas mon mari. C'est pas beau de mentir, madame. Bref. Au revoir. Bah attendez, vous avez pas répondu à la question, madame. Bon bah je pense qu'on bah, elle est lesbienne, voilà. Oui, hop, voilà. On va dire que c'est la bonne réponse. Et ce sera encore mieux. Bon, il y a des messages qui sont arrivés. Il y a Lohan34 sur le Twitter. Vraiment trop haute la vidéo de Nabila, Mickaël. Étonnant qu'elle ait pas encore été censurée sur Facebook. J'ai été choqué qu'elle fasse ce genre de choses. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Lohan. Ouais, c'est honteux. J'ai longuement hésité à la poster. Ouais. On en a beaucoup parlé dans le bureau. Ouais. Et puis finalement, on s'est dit bon, l'information avant tout. L'information avant tout. Et puis la censure, tant pis, on emmerde la censure. Voilà. Y a Enzo qui dit s'il vous plaît, c'est possible une dédicace au lycée Jean Moulin. Je vous kiffe, vous les gars. Bah merci Enzo. Bah message évidemment. Qu'on passe avec plaisir à tout le lycée Jean Moulin, à tous ceux qui sont dedans. Et Devers45 qui dit salut à toi, mec. Je suis allé voir la vidéo et perso, elle m'a bien fait rire, mais je suis resté calme. Il faut, de toute façon, en regardant la vidéo, éviter de vous astiquer au même moment, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Restez calme, tout va bien se passer. Après, on en met trop vite sur l'écran. Mais voilà, après, on voit plus rien. Bref, un drame. Allez, si on jouait maintenant au... Je t'emmerde. Voilà, et pour jouer avec nous, il y a Léo, il y a Eliane. Salut Léo de Valenciennes. Salut. Ça va ? Ça va, et vous ? Oh, t'es un doux, toi, hein ? Bah oui, bah c'est moi d'hier. Ah bah oui. Le doux qui se la ramène. Ouais. Ah ouais. Comment on l'avait appelé encore ? Le doux qui parle trop. Le goût. Le connard qui parle trop. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, ben, re-bienvenue Léo. Hein. Ouais, merci. Bon, c'est vrai que tu voulais jouer où je t'emmerde, toi. Il y a Eliane aussi qui est en face de Nantes. Salut Eliane. Oui, bonjour, je m'appelle Elian. Elian, pardon. Salut Elian, ouais. Ça va ? Ouais, ça va. Bon, très bien, on va pareil du coup. On va jouer, bah non, ça va, on va jouer au je t'emmerde maintenant. Léo, Elian, le principe est simple. Vous le connaissez ou je vous le rappelle ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, bon, enfin, je vais vous le rappeler quand même. Bon, le principe est donc très simple. On va donc appeler des gens au hasard. On ne sait pas du tout chez qui on va appeler. Le but, chacun votre tour, vous allez devoir placer un maximum de « je t'emmerde » ou « je t'emmerde ». Il n'y a pas de « je vous emmerde », »,« vous m'emmerdez », etc., etc. Donc, c'est bien uniquement ça. « Je t'emmerde » ou « je t'emmerde ». OK ? Ok, je t'emmerde ou je t'emmerde. Voilà, c'est ça. Donc soit J apostrophe T machin, soit je espace t'emmerde. Ok. Ok. Bon, alors vous allez devoir en placer un maximum avant de vous faire raccrocher au nez. Ok. Ok. Celui okay. qui en place le plus repart avec les cadeaux. C'est quoi le cadeau? Toujours ok. Ok. Tu verras, ouais. tu verras après. Mais si tu continues, tu repartiras avec un pins parlant de polo. Il y va te faire enculer. Oh non. Si, si. C'est pas mal, ça. Voilà, t'as vu, ça pourrait être pas mal. Ou alors mieux, un pins parlant avec la voix de Virginie, l'auditrice du Nord. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Ça, c'est cool, j'en veux. Moi aussi, je viens du Nord, moi. Eh, t'as vu, c'est pas mal, hein. Va te faire enculer, gros bâtard. Va, ça peut être pas mal. Ah, ça c'est pour Mickaël, un pote, ça. Eh ouais, ça, ah, c'est vrai, je croyais que t'allais dire moi, Elian, là. Non, bon, ça roule. Allez, qui veut commencer, Léo ou Elian? Moi. Toi? Ah bah très bien, Elian, bah c'est bon parti, temps. On y va, allez hop, c'est parti. On fait le premier appel, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et puis après bonne chance, Elian. Ok, merci. C'est parti. Oui. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'était... Je suis pas du tout d'accord et tout, vous avez tagué ma voiture, dessus c'est marqué je t'emmerde. On a tagué votre voiture et il y a marqué je t'emmerde. Je suis désolé, c'est incompréhensible. Je suis arrivé sur ouais, mais là, tu fous ma gueule, mon gars. T'emmerdes sur la voiture. Ouais. Allez, terminé. On ne valide pas, évidemment, les trois derniers, puisqu'ils étaient sur le raccrochage. On en est à combien? À 7. À 7. Bon, bah voilà, Elian, 7. Bon, oui, c'est pas mal. C'est un score honorable. C'est un score honorable. Je rappelle qu'il y a une deuxième manche après la pub. Bon, Léo, on y va, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, hop, à ton tour, Léo, avec ta petite voix de doux, là. C'est parti. Et donc tu dis bien allô dès que t'entends plus la musique, hein. Allô, salut, je suis un doux. Je t'emmerde. Pour l'instant, ça décroche pas les masses. Pour le moment, c'est le téléphone qui l'emmerde. Ouais. Bon, bah c'est rien, on va appeler un autre. Hop, c'est pas grave. Voilà, on appelle le suivant. Là. Bonsoir. Merde. Votre numéro de téléphone. Parfait. Hop, on appelle encore un autre. Voilà. Allez. Allez Léo, sois bon. Hein. Ouais. Bon, si ça décroche un jour. Oh merde, putain, c'est quoi la poisse là, soit. Oh, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Donc, non, parce qu'en fait, j'ai reçu un message en disant je t'emmerde. Donc, je suis partie contacter la police, j'ai reçu votre numéro. Donc, comme j'ai reçu un message je t'emmerde. Avec cette voix, c'est pas crédible. Je vous emmerde fortement, je t'emmerde. Parce que le message, c'est incompréhensible, d'accord? Je t'emmerde. C'est... Ok, voilà, je t'emmerde. Vous devez être les enfants. Non, mais je t'emmerde. Non, mais écoutez, madame. Je m'appelle madame Stromensky. Écoutez-moi. Là, j'en ai marre, là, c'est bon. Hein. Là, avec vous, je t'emmerde. Comment? Excusez-moi, vous êtes qui? Ta gueule. Je t'emmerde. En plus, c'est mal poli. Donc, mais maman, vous êtes débile. Débile, madame. Je t'emmerde. Stop, d'accord? Stop. Je t'emmerde. Je ne sais pas. C'est peut-être des enfants qui ont fait ça. Maintenant, je ne sais non, pas mais, qui non, est. Non, madame, ce n'est pas possible. Je t'emmerde. Si on essaie de régler le problème. Je t'emmerde. Vous êtes cinglé. Hein. Je ne suis pas cinglé. Je me fais soigner. C'est tout. Donc, je ne suis pas cinglé. Je me fais soigner. Ah, il est complètement perché le doux. Allez vous faire foutre. Hein? Ta gueule. Je t'emmerde. Hop, elle a raccroché. Dis donc, Léo, là, N'insulte pas. Hein, tu t'emballes un peu, là, il faut pas les insulter, les gens, là. C'est pas le jeu du ta gueule. Hein, c'est le jeu du je t'emmerde. Bon, ouais. Combien de je t'emmerde? Pardon, 25. 25, ah ouais, oh. Bon, alors, Elian, la barre est haute, hein. Mais. Rien n'est perdu. Je rappelle que juste après la pub, on fera la deuxième manche et qu'il est formellement interdit de récupérer le même scénario. Okay. Ok. Mais il faut couper sa radio. Et il faut couper sa radio ou enlever le kit ma libre ou le haut-parleur, je sais pas, Léo, Elian, il y en a un des deux qui a le kit ma libre ou le haut-parleur ou la radio. Ou les deux. C'est pas moi. Bon bah c'est Léo. Attendez, je vais vérifier si mon petit frère écoute la radio parce que lui. Ouais, genre, il coupe la radio. Ouais, mytho. Bon, allez, Léo, reste avec nous. Elian, tu restes avec nous. On va se faire la suite dans quelques minutes avec le Je t'emmerde. On va récupérer David et Olivier. David qui voulait donc nous parler du fait qu'il arrive, qu'il est un petit peu Jacques Précoce, quoi. Et puis, il y a Olivier qui voulait réagir également. Et comme on a encore une petite minute, on va vite en profiter pour refaire un petit coup de colle avec notre ami Nathanaël. T'es là, Nat? Ouais, toujours là. Bon, parfait. Allez, fais péter la colle. Je rappelle qu'il y a une GoPro à gagner, la Hero 3+. Vas-y, vas-y, on t'écoute. À ciel dégagé, on peut marcher vers lui, mais on ne l'atteint jamais. Qui est-ce? Bon, il y a Yacine qui proposait le soleil. Toujours pas. Il y a Jordan qui proposait la lune. Non plus. Un arc-en-ciel. Non. On a une proposition aussi par SMS qui proposait l'ombre. Non. Non plus. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 6322 ou au 64900 ou au 6322 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel et puis vous verrez le post où je vous ai mis la petite photo de la GoPro à gagner avec la colle. À vous d'y répondre. Et si vous êtes tiré au sort, et bien dans moins de 3 quarts d'heure, vous serez l'heureux propriétaire de la GoPro Hero 3+. Tu restes avec nous, Nathanaël? Je reste là, ouais. Allez, bouge pas. On va revenir avec vous toutes et vous tous dans quelques secondes. Je vous cale aussi le son de Nicki Minaj avec Pills and Potions. Et en parlant de Pills, je vous l'avais promis, on le mettra, le bon vieux son de Pills avec Rock Me que je vous ai fait écouter il y a une petite demi-heure. Je vous le mets aussi d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Nouveau Nicki Minaj, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, 23h52. Allez hop, balancez encore vos messages avec Nicki Minaj qui va arriver dans quelques minutes. Je l'avais promis, ce sera le nouveau avec Pills and Potions. Ça me donne envie de faire l'amour sur un nuage. Ouais, de baiser Toff dans l'escalier. Mais non, mais arrête avec ça, j'en ai rien à foutre de Toff. Je sais pas, dans le bureau, t'as dit, ah, mais j'ai envie de te baiser. Qu'est-ce que t'as... Non, j'ai envie de te chier dessus. Ah oui, pardon, oui, c'est ça, c'est presque ça. Ça, c'est vrai, j'ai envie de ça. Bon, 23h52, bien, en fait. On va continuer le Je t'emmerde dans quelques secondes là. Il y a la petite fée également qui est de retour, tiens. C'est comment ton émission m'a manqué, un bien fou de vous réécouter. Bah, merci la petite fée. Clubman aussi, salut la famille, je vous ai ramené une nouvelle auditrice. Vous avez un message de bienvenue bien salace. Oh bah oui, bien sûr, attends, pour une nouvelle auditrice, bien entendu. Qu'on a des messages bien salaces. Alors attends, qu'est-ce que je peux mettre comme message? Allez, je cherche parce qu'il en faut un. Ah oui, bah, celui-là, il est bien violent. Ce n'est pas pour toi la nouvelle auditrice, bien entendu. Hein. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère. Et après tu pourras venir. Après tu pourras parler. Voilà. Donc, merci Club Bell en tout cas d'avoir fait venir une nouvelle auditrice. Et merci à tous ceux qui d'ailleurs font le travail de prévenir tous ceux qui écoutent, qui sont en train malheureusement de peiner, d'écouter d'autres radios, de se faire chier parce qu'ils sont pas encore au courant qu'il se passe un truc bien à la radio et qui sont là en train de subir. Hein, les pauvres. Les pauvres. Ça, moi ouais. Je les plains, ça subissent, doit être dur. Ils subissent. Et ben c'est bien de les prévenir qu'ils viennent écouter Fin Radio et Mickaël No Limit. Qu'est-ce que tu fous, Polo, en train de regarder des meufs mais à poil? Non, c'est pas des meufs à poil. Si, la meuf était à Saint-Lair là. Mais non, parce que j'étais en train de regarder le tweet d'un mec là, vite fait. Et en fait, c'est comment elle s'appelle celle qui est venue nous voir, l'actrice porno là? Quoi? Katsuni? Non, l'autre. Non, là, il y a pas longtemps. Oksana. Et donc, il a mis des photos d'Oksana. C'est ah, tout. D'accord, ok, très bien. Bon, parce que si vous voulez, bon, il y a Nabila qui est sur le Facebook de l'émission. Ouais, vous pouvez aller voir. On a mis la sextape là hier. Vous tapez Mickaël officiel. Allez la voir surtout avant qu'elle soit supprimée de Facebook et de YouTube. Hein, on l'a mise, donc profitez-en. Et si vous voulez, vous nous rejoignez également. Là, abonnez-vous à la chaîne Mickaël officiel, la chaîne de l'émission. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, eh bien, je m'abonnerai à la vôtre également. Il y a Aurélien qui dit salut l'équipe. Je passe le permis lundi. Il a pas une idée pour ne pas stresser. Bah faut pas stresser en fait, tu te dis que... Non mais Aurélien, je vais te donner un conseil. Je vais te dire, tu dois y aller comme j'ai fait, pépère. Mes mains dans les poches. Ouais mais grosso modo c'est ça. Tu y vas pépère, tu te dis bon qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Ça va rater, eh ben ça ratera, je recommence. C'est ça, au pire tu fais un accident avec la voiture de l'auto-école, c'est mais pas non, bien mais y a grave. Il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Il n'y a rien, voilà, ne stresse pas. Ouais. Stresser, c'est le meilleur moyen de rater. Exactement, et voilà. ça te permet, c'est là que tu fais des erreurs, t'es foutu. Donc t'y vas tranquille. À la cool. pépère. Tu fais un gros caca et puis tu vas tranquille. Par exemple, Cédric du 9 qui dit Mickaël, tu m'as grave manqué. Je vous adore toute l'équipe. Merci Céd. Et Keisha qui dit non, franchement, la sextape de Nabila, je trouve ça honteux. N'importe quoi, franchement, mort de rire. Et Jaurès qui dit, je vous écoute tous les soirs, je suis pété de rire tous les soirs et à chaque fois, je réveille mon père tellement vous me faites marrer. Vous pouvez faire une dédicace au collège Théodore Rancy également. Ben, on embrasse tout le monde au collège Théodore Rancy. Et merci, vous êtes motivés ce soir. Hein. Top tweet des gens début d'émission. Paf. Voilà, ça y est, très bien, tout seul. Donc, bah, merci à vous en tout cas. Hein. Juste au-dessus de Grey's Anatomy et de la SNCF. Bah, très bien. Et bah, c'est, la, on est bien la SNCF qui achète des trains trop grands. Oui, exactement. Ouais, la SNCF qui achète des trains trop grands. Ouais, les mecs, ils commandent des centaines de trains, des nouveaux TER à Bombardier, qui est une société canadienne. Et en fait, ils ont pris les mesures d'il y a très longtemps. Voilà. Il y a 20-30 ans. Donc, c'est trop large. C'est ça. C'est pas ça assez large. Pas. Voilà. Oh, c'est que 50 millions. Il faut raboter 10 cm les. 50 c'est millions, rien. C'est quoi 50 millions? C'est rien, c'est rien, c'est rien, que c'est dalle. Nous qui payons. Mais oui, mais c'est ça, c'est que dalle. Bon, on va se faire la suite du je t'emmerde là avec Léo, avec Elian. Vous êtes là tous les deux, les mecs? Oui. Très bien, parfait. Alors, Elian, tu avais fait 7 je t'emmerde. Oui. Et Léo, on avait fait 25. On va donc recommencer maintenant. Léo qui se la ramène là, mais quand il va gagner son pins parlant. Va te faire enculer, gros bâtard. Il va moins rigoler. Oh ah, si, Léo. Alors, attention. Oh, on me donne le cadeau. De quoi? Au pire, on me donne le cadeau, puis on lui donne un pins. Oui, c'est une idée, effectivement. Au pire, ça, je te donne un bon gros paquet de capotes. Oui, mais il sera content, Léon, hein, parce que vu qu'il est plus âgé, il en aura plus d'usage que toi. Pour l'instant. Ah, bon ah oui, c'est sûr. Bon, Léo. Ouais. T'as intérêt à plus être agressif avec les gens qu'on appelle. Pas de vulgarité, ouais. on t'enlève. Pas de vulgarité, sinon je t'enlève. Sinon je t'enlève 85% des je t'emmerde. T'as compris? Mais moi j'ai oublié de quoi je parlais tout à l'heure. Tu m'as dit ta gueule deux fois de suite et ça se fait pas. Eh ben t'as intérêt à t'en souvenir parce que si je me rends compte que tu fais pareil, t'es viré. Ouais. Alors attention, parce qu'il essaie de me la faire à l'envers, tu vois, genre. J'ai oublié, je me souviens plus. Bon, Léo, allez, c'est parti, on y va. Tu vas tenter de faire mieux que ton score. Si jamais tu fais moins, c'est pas grave, on gardera le meilleur score des deux appels, d'accord? D'accord. Allez, vas-y, Léo, on y va. Bonne chance. Je t'emmerde ou je t'emmerde. Les deux seuls mots à placer le maximum de fois dans une conversation logique. Ouais, Léo. Je peux utiliser. Allô. Et bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Et bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci tardive. Voilà. Mais en fait, je suis partie avant commissariat. Vous fessez pour que. Je vous ai donné votre numéro. Donc j'ai reçu, en fait, venant de. Comment ça s'appelle? D'une lettre que vous m'avez. Enfin, vous m'avez accusé de vol, donc vous m'avez marqué. Alors, est-ce que je peux me permettre de lire cette lettre, monsieur? Non, je sais pas de quoi vous me parlez, madame. Non, bah, monsieur, vous m'avez dit, je t'emmerde. Bonjour. Je t'emmerde. Ensuite, tu m'avais dit, je t'emmerde. Ouais, bah là, il t'emmerde aussi, puisqu'il s'est barré. Ouais. Bon, et bah voilà, ça fait 4 malheureux, je t'emmerde. 4 malheureux, je t'emmerde, Léo, là. Excusez-moi, madame. Eh oui, madame. Bon, madame, reste avec nous, là, bouge pas, madame. T'as vu, quand on met une fessée au doux, après, il se calme. Hein. Ouais, c'est ça. C'est plus le même doux. Ah oui, là, après. Tu peux garder mon premier score? Bah oui, on va garder le premier score, évidemment. Oh oui. Oh, bon, Léo, bouge pas. Elian. Ouais. À toi de jouer. Ok. Allez, sois bon, Elian. On y va, on en appelle un autre là maintenant. Plus tu places de je t'emmerde, enfin, en gros, il faut en placer 27 hein, pour gagner. Hein. Voilà. Allez, bon courage, mais vas-y, conversation la plus naturelle possible. Allez, sois bon, bonne chance. Allez. Allô? Oui. Oui, bonsoir, la dernière hier votre femme m'a appelé, elle m'a dit je t'emmerde, alors j'ai pas compris. Je pense que vous avez dû vous tromper de numéro, je n'ai pas de femme. Ah non, j'ai pas trompé de numéro, je vous dis bien, elle m'a appelé, elle m'a dit je t'emmerde, alors pourquoi elle m'a dit ça? Je n'ai pas de femme, je t'emmerde à des gens, tu vois. Je n'ai pas de femme, donc... Non, je suis désolé, on ne dit pas je t'emmerde à des gens, ok? On ne dit pas je t'emmerde à des gens. Moi je vais aller au commissariat, je vais pas leur dire je t'emmerde, ok? On n'appelle pas les gens, on dit pas je t'emmerde, ok? Alors, très très sincèrement, bon, vous pouvez aller au commissariat de police, si vous insistez, votre numéro il a beau être caché, le commissariat de police, il pourra identifier votre numéro. Si moi je vais porter plainte, vous m'emmerdez, monsieur. Ta femme, je l'emmerde aussi, ok? Donc je t'emmerde, ok? T'as compris, je t'emmerde, ok? Non, Elian, stop! Et il est parti l'autre. Bon, alors attention, jusqu'à ce que ça raccroche. Léo. Oui. Il a mis la barre haute là. Ouais, donc il a fait combien? Attends, justement, justement. Bon, Léo, t'en avais fait combien? 25. 25. Elian, tu devais en faire 26 pour gagner. Elian est à combien? 26. Non. Yes. Ouais. C'est bon ça. Retournement de situation. Oh oui, c'est le pauvre Doux. Et le Doux qui a perdu. Oh mais. Oh, c'est ouais. Bon ça. Ah ouais. Attends, c'est pas grave. Eh ben ouais. Il est fait repayer pas mal. Mais depuis que je lui ai mis depuis que je lui ai mis une fessée, il va mieux. Voilà. Il s'est calmé un peu là, le Doux. Oh. Bon, eh ben écoute, Léo, tu reviens, tu rejoues quand tu veux. Ok. Bon, allez. Salut le Doux. C'était quoi le cadeau? De quoi? C'était quoi le cadeau? Un paquet de caca. C'est un pins parlant. Va te faire enculer, gros bâtard. Non, sérieux, c'était quoi? Mais c'est ça. C'était un voyage, un tour du monde pour aller en business class pendant 6 ans. Mais il faut que t'aies plus de 18 ans. Et comme tu les as parlé, c'est mort. Ah, c'est dommage. C'est dommage, Léo, c'est dommage. Oui. Allez, c'est quoi le cadeau? Non, mais je sais pas, on va voir avec Sandro ce qu'il y a. Je sais même pas, figure-toi le cadeau là, je t'avoue. On a un paquet de jambon, des tranches de jambon de Equitia il y a deux semaines. Si ah, ça moi dit. Je veux bien du jambon, moi j'aime bien. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, Lian. Est-ce qu'il reste encore des casques Beats by Dre? Ah, je crois pas qu'il en reste. Ça fait un bout de temps là qu'on les a filés. Je crois pas. On va vérifier, mais je suis pas sûr. On va voir ça avec Sandro au standard, Lian, d'accord? Ok. Allez, salut à toi, ma gueule. Mais du coup, je fais comment pour le cadeau? Eh bah, tu restes au standard et puis on va prendre tes coordonnées. Ok, pas tu problème. Raccroches pas. Salut à toi, okay. Elian, à bientôt. Salut. Ciao. Et puis, Léo, salut, hein. Salut, et je peux rejouer quand je veux ou pas? Bah, quand tu veux, oui, puisque t'as perdu. Ok, et je peux participer au karaopé ou pas? Karaopé, tout à l'heure, ouais, si tu veux, ouais. Bon, on verra, vois avec Sandro et puis on verra. Le karaopé, on fait ça dans moins d'une heure, tiens. Sandro, oh, qu'il est relou! Oh là là! Bon, je te renvoie chez Sandro. Oh, c'est doux. Oh, il est relou le Doux là. Oh depuis là là. Depuis qu'on leur donne des petits privilèges comme ça, les Doux. Ah ouais, ils la ramènent. Toujours plus. Bon, attention, j'ai oublié de dire un truc, mais en parlant de Doux, la vidéo de Nabila, c'est interdit aux moins de 18 ans. Ah bah oui. Donc, et moi, en moins de 15 ans, les Doux, vous ne surtout pas interdit aux Doux. Interdiction totale, interdiction formelle aux Doux d'aller voir la vidéo de la sextape de Nabila. Enfin, de la sextape, de la vidéo de Nabila. Ouais. Voilà. Interdit au Doux. Voilà, donc n'allez pas la voir, je compte sur vous, bien entendu. Il y a Ryan qui dit gros dédicace au collège Notre-Dame à Annonay. Il y a la team 4EE, j'imagine, parce qu'il y a un petit E et un grand E. Il y a Jordan aussi qui dit en direct du taf, je vous écoute tous les soirs, continuez comme ça. Bise à Pégase Sécurité. Et puis un message qui dit aussi salut, je m'appelle Loïc. Ça fait un mois que je vous écoute et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Je pourrais en avoir un, s'il te plaît. Et un autre pour mon frère Nathanaël. Oui. C'est toi, t'as un rapport avec lui ou pas? Du tout. Ah d'accord, c'est marrant parce que Nathanaël, c'est pas le prénom le plus répandu, hein. Bon, ça bah c'est pas grave. De quoi? Il appelle de où? Il avait pas mis l'endroit, mais c'est pas grave. Tiens, bah. Faites chier, la femme. Oh. Bon. Non, mais alors qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Voilà, ça c'était le premier, et puis le deuxième. En vertu de quoi vous vous emmerdez les gens à cette heure-ci pour savoir avoir une question aussi bête? Mais oui, aussi bête. Aussi voyons. Bête alors, voyons. Bah oui, voyons alors. Bon, alors, il y a aussi un message aussi de Bilka qui dit elle est où la publication avec Nabila? Bah sur le Facebook, tu tapais Mickaël officiel et puis tu vas la trouver, sinon tu vas direct sur YouTube. Là aussi tu tapais Mickaël officiel et puis tu t'abonnes à la chaîne et si tu t'abonnes à ma chaîne, eh bien je m'abonnerai à ta chaîne également si toutefois tu en as une bien entendu. Bon, on fera d'autres appels avec Tof dans moins de 30 minutes, on va se faire bien sûr les teubés de la télé et puis on va récupérer David qui n'arrive pas à tenir très longtemps, qui est un peu précoce, enfin un peu, après 30 secondes c'est fini. Donc oui, il est précoce. Il y a Olivier et Antoine qui voulaient réagir et j'aimerais bien voir des filles également là, voir si vous êtes déjà tombées les filles sur des mecs un peu rapides au lit là. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous l'avais promis. Eh ben on se le fait, le nouveau Nicki Minaj maintenant sur Fun Radio. Pills and Potions. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Pills and Potions. Le son de Nicki Minaj de nouveau, Pills and Potions, à l'instant sur Fun Radio, il est minuit 7. On va se faire les teubés de la télé dans quelques secondes. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et puisque vous l'aviez demandé, eh ben, je vais vous la mettre dans un instant. Tiens, on avait Pills and Potion de Nicki Minaj de nouveau. Et puis ça m'avait pensé à Pills, un groupe qui... un vieux groupe, hein, parce que le morceau date de 98, je crois. Pills avec Rock Me, voilà. Donc je vous avais demandé si vous voulez qu'on le passe, bah vous aviez dit oui, bah on va vous le mettre. Hein. Ah, c'est particulier, hein, j'annonce. Hein. Voilà, j'annonce, mais je vous le mettrai dans quelques violent. Minutes. Ah, bah, bien violent, non, il y a pire, hein, enfin pire. Il y a encore plus, violent, mais oui, non, il est pas mal. Il y a Damien qui dit salut, salut Mickaël. Ça fait presque un an que je vous écoute, ce serait possible d'avoir un message de bienvenue trash. Ta gueule. Du coup. Ah, trash, pardon. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette, pauvre trou du cul. Voilà. Il y a Malika aussi. Je suis doux, non officiel. Je suis choqué de la vidéo. Oh my god. Malika, qu'est-ce qu'on a dit? Les doux ne peuvent pas regarder. Aller voir la vidéo de la sextape de Nabila. C'est illégal. C'est illégal, c'est interdit au moins de 18 ans. Officiel ou non officiel. Je parle du fait d'être doux. Hein. Katia qui dit, souhaitez-moi bonne chance pour le bac, car cela commence demain pour moi. Et surtout, continuez, vous êtes vraiment trop drôle. Ben, merci Katia, et puis bonne merde pour le bac. Et si tu l'as pas cette année, tu l'auras l'année prochaine. Ben oui. Je m'appelle Kevin, c'est l'anniversaire de ma sœur, vous auriez pas une chanson d'anniversaire? Mais évidemment qu'on a une chanson d'anniversaire, et une belle en plus. Hein. Voilà, qui va très bien avec la vidéo de Nabila. Hein. Voilà, bon anniversaire à toi. Alors, encore un petit coup. Voilà, jusqu'au bout. Il y a Christophe aussi. Pour les mecs, il faut se méfier par rapport aux mecs trompés. Moi, je dirais aussi les amis. Ah oui, c'est par rapport aux filles aux mecs qui doivent se méfier des sportifs, puisque apparemment 40% des femmes, eh bien, trompent leurs mecs avec des sportifs. Donc, faut se méfier. Apparemment, des amis aussi. C'était le thème des appels de Toff. Oui. On en appellera d'autres d'ailleurs d'ici une vingtaine de minutes. Retour avec Olivier dans un instant, avec la colle et Nathanaël. Et puis, on va d'abord évidemment se faire les teubés de la télé. C'est parti. Eh oui, vous savez qu'on aime bien voir les teubés de la télé. Hein. Émission préférée, Confession de Team, faut quand même le savoir. Ah oui. Oui, oui. Bien sûr. Confession de Team et merde, truc aveugle. L'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Mais il y a aussi celle de d'Energie 12. Merde. Laquelle? Mais c'est pareil, c'est comme Confession Intime. Merde, comment ça s'appelle? Eh ben voilà, ça va de la bien l'appel. Merde, bon, c'est comme Confession Intime, c'est les mêmes. Bah oui, mais bon. Tellement vrai. Oui, tellement vrai, oui, d'accord, ok. Bon, donc il sera le prochain grand pâtissier, on a un participant hors norme. Est-ce que tu as goûté tes produits? Non, j'aime pas ça en fait, j'aime pas le sucré. Je ne mange pas de gâteau, j'en mangeais pas quand j'étais jeune. J'en mange toujours pas. J'ai jamais aimé ça. C'est énorme ce que tu viens de dire. Ah oui, ça va être pratique, tiens, pour faire la bouffe. Hein. Ah bah oui. Ah oui, surtout pour le pâtissier, quoi. Bah oui. Non, mais c'est bien. Et puis, n'en touche pas à mon poste, il y a Gilles Verdez qui se croit revenu au temps des duels. Alors moi, je vais dire, Mathieu Delormeau, regardez pour cette caméra. Pour une fois, sois un homme. Si t'as quelque chose à me dire, tu viens là et tu me trouveras. Oui, ils vont se retrouver avec une épée. Ouais, hein. C'est ça, ils vont être là, ils vont se battre au fleuret. Exactement. Et puis en fait, dans les anges, bah ça gueule encore. Hein. Et elle a bougé. Je la tue. Mais arrêtez de vous prendre pour Nicolas Hulot, on s'en bat les couilles. C'est une araignée de. Putain, je vais la défoncer. Bah alors laisse-la. Ah oui, mais enfin, c'est une araignée, mon dieu, j'ai peur, elle a bougé. Bah oui, c'est une araignée. En général, elle a plein de pattes et ça bouge partout. Hein. Quoique, ça reste encore relativement calme. Ça dépend des bestioles et ça dépend ce qu'on en fait, bien entendu. Bon, Pills avec Rock Me à suivre et David le retour de Roubaix. Toujours là, David de Roubaix? Ouais, j'attends toujours. T'as pas éjaculé encore là? Hein? T'as pas éjaculé encore? Non. Bon. Ça va. T'as été voir la vidéo de Nabila, la sextape? Non. Ah bah, va pas voir, hein, parce que sinon ça va mal finir. Ouais, tu vas en être partout. Non mais c'est vrai, va pas la voir. Pour les autres, elle est sur le Facebook et sur le YouTube de l'émission. Hein, tapez Mickaël officiel. Bon. Alors David, toi t'es arrivé, t'avais du mal à tenir longtemps, là, 30 secondes en pénétration, du coup forcément c'est un peu emmerdant. Et il y a Olivier avec nous de Brest. Salut Brest. Salut Olivier de Brest. Ouais, Olivier. Le problème à David, il est pas dur. Comment Olivier? Ouais, le problème à David, il est pas dur. Non, il est mou. Il est pas. Ouais, il est bah, surtout oui, mou, mais après 30 secondes. Ouais. Hein. Et Mickaël, toi, en fait, attendez, les vieux, là, une seconde. Et du calme. Chacun son tour. Mais c'est pour rire. Bon, Olivier. Je sais que je serai toujours éternel et jeune. Exactement, oui. Tout le monde est éternel et jeune. Tu m'as dit tout à l'heure, mon rêve, c'est de faire l'amour sur un nuage. C'est Polo. Et tu le fais tous les soirs, nom de Dieu. On fait l'amour sur un nuage tous les soirs? Oh là là. Oui, tu le fais. Avec, ah ouais avec toi. Avec moi? Avec Sandra. avec tous les gens qui t'écoutent. Mais bien sûr, on est peace and love, nous. C'est ton métier. Non, bien sûr. Ça s'appelle une allégorie, c'est une image. Oui, c'est pour rire. Excuse-moi, jeune ami, c'est une allégorie, c'est le moment culturel de l'émission. Voilà. C'est une image, ce n'est pas vrai, ce n'est pas... En fait, je voulais dire que c'était un moment jouissif. Arrête de bégayer, s'il te plaît. Je ne bégaye pas. Je m'excuse, c'est où, Laurie? C'est drôle, ça. Bon, hey, Olivier. Bon, sinon, t'as pas de conseils à filer à David? Bah, si. Alors? Bah, j'ai juste une question à poser à David. Vas-y. Est-ce qu'il est présent? Bienvenue sur Alcoolique Anonyme. Et est-ce qu'il est quoi, tu dis? Allô? Oui, je suis Polo et je suis alcoolique. Ouais, est-ce qu'il est quoi? Attends, David. Tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends. C'est quoi ton métier, David? Hein? C'est quoi le rapport? Ton boulot? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la nuit? J'ai un problème. Je te parle ton mic. Hein? Oh là là là là. Est-ce que tu Bonjour, fais du sport, je m'appelle David Toff, et aujourd'hui ça fait 8 jours que je n'ai pas bu. Bravo Toff. Bravo Toff. Ah, t'as pas merci. Vu, moi, merci. Il n'a pas répondu. Hein? Hein? Bon. Deux. J'ai coupé le bouton, ils nous entendent plus là. Donc, je voudrais quand même voir jusqu'où ça va aller, cette conversation non, qu'il a ni queue ni tête comme Toff. Il y a un problème de personne. Ouais, de Toff, je sais que tu éjacules assez vite. Bon, c'est pas grave. Oh, non problème. Le Toff te dirait ça avant l'émission de Michael. Michael, yeah. Dans la vie. Ouais, c'est la version américaine. Ouais. Bah oui, t'as pas bougé. Non mais, je te parle, David. Il faut te fatiguer avant de jouer avec ta Toff. Et ta Toff, c'est pas toi qui joues avec, c'est les femmes qui joueront avec. Il est bon, lui. Alors, on parlait des sportifs. La question à Toff, c'était avec qui vous trahissez votre mari? Oh là là, il mélange tout, lui. Je comprends ce que tu dis. Oh, alors, parce qu'il a dit je t'emmerde. Écoute, j'ai une femme, mais je ne l'ai plus. Et on m'a envoyé de lettres, il dit je t'emmerde. Il faut que tu la quittes de temps en temps. Ça veut dire que tu ailles au travail ou que tu fasses du sport. Et quand tu arrives à la maison, là, elle te regarde comme un roi. Enfin, c'est pas gagné, là, quand même. Hein. Et c'est le meilleur, quoi. Et là, je peux te dire que... Ah bah, c'est toi, il peut te le dire, quoi. Ouais. Je t'écoute, David. Écoute-moi, c'est pas la chose qui c'est là que faire une émission sur une radio de vieux, ça doit être dur, hein, quand même. Sérieux, non, vraiment. Je peux te dire ça. Ouais, alors que les doux, ça pète, ça explose, quoi. Problème, ça chie un doux, quoi, tu vois. On peut pas reprendre Léo pour qu'il leur donne des conseils. Attends. Ah, bah voilà. Donc, j'avais pas parlé. Donc, tu dois faire trop l'amour avec un calotte et après, devant ta femme, c'est normal. Mais bien sûr, mais voilà le meilleur conseil. Va baiser une autre et après, tu reviens avec ta femme, ouais. Ça t'es tranquille. Bah, bon, voilà. Très bon conseil, Olivier. Alors, attends, Olivier. Bon, Olivier, alors moi, j'ai un autre conseil aussi, David. Ne pas y aller le pistolet chargé. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas coucher avec ta femme, ta meuf, peu importe, c'est que bah effectivement tu peux t'astiquer un petit coup avant, histoire de faire baisser un peu la pression, tu vois? Non, j'ai couché avec une plus jeune que moi. Non mais je vois pas le rapport. Ça n'a aucun rapport. Ah, non, si, en fait, ce qu'on veut t'expliquer, c'est moi, que ça peut-être. M'emmerde. Oui, mais c'est peut-être que t'es un peu tendu. Miguel voilà. Te dit, alors parce que je vais essayer de parler comme toi. Prends ta bite, et tu la branles. Voilà, tu la branles. Bon, on va quand même demander l'avis d'Amélie. Attends, il y a Amélie qui est avec nous. Salut Amélie. Oui. Salut Miguel. Ça va? Est-ce que je peux remettre un peu de glamour dans cette émission, Amélie? Combien mesures-tu? Attends, je t'en supplie, Amélie, sauve-nous. Est-ce que tu peux nous sauver, s'il te plaît, Amélie? Bah, en général, faut pas y arriver chargé, quoi. Oh, qu'elle est voilà. Fraîche, attends. Oh, là, elle met le téléphone au niveau de ta... Amélie, combien mesures-tu? Ah oui, bah bien sûr, j'aurais plus grand encore. Amélie, combien mesures-tu? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? C'est bien, ça. Comment? Combien pèses-tu, Amélie? Je pèse 45 kilos. Ah ouais? Quel est ton tour de poitrine? Je vais te faire poser le gaz. J'ai pas tout entendu. Je voulais connaître ton tour de poitrine, Amélie. Mon tour de... 95B. Ah ouais, après tu prends le mensurement et puis tu guides. Hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Je te sucerais le sang et tout. Tu... 34? Ouais. Ah ouais. Oh, oui. Ah oui, on s'est mis bien là. Ah oui, là, on s'est mis pas mal. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Amélie. Oui. Qu'est-ce que t'avais comme conseil à donner à David? Eh ben... Franchement, avant l'acte, il faut au moins guider, quoi. Voilà, ne pas y aller le pistolet chargé. Oui, mais il y a certains mecs, et il doit en être, qui, une fois qu'il a éjaculé, bah, il n'y a plus rien. Oui, mais d'accord, mais c'est pas parce que tu te branles, y a plus rien sur le moment même. Non, j'ai mais pas il a plus mais... envie. Après, t'as plus envie, parfois. Oui, mais après, oui, mais d'accord, t'as plus envie, là, 5 minutes, 10 minutes, tu après, ça redémarre. Oui, mais tu le décharges, peut-être qu'il a plus envie de se charger, après. Mais si, bien sûr que tu pourras décharger rapidement après. Non, moi, je pense toi, pas. Je crois. Ah bah si. Je pense pas, faut voir. Bon, Amélie, t'es déjà tombé sur un mec qui était... Amélie ? Oui ? T'es déjà tombé sur un mec qui était rapide ? Oui. Et alors ? Mais en même temps, vu comment elle est bonne, ça peut s'expliquer. Hein. Ouais, enfin bon. ouais, non, c'est un peu dur. C'est pas, moi, j'arrive pas à l'orgasme, donc c'est chaud, quoi. Ouais, mais s'il enquille derrière rapidement, tu t'en fous qu'il éjacule vite. Non, mais ça a duré deux minutes, j'ai envie de dire, oui. Il est où l'intérêt ? Non, mais juste après, le mec, il a craché, il reprend après, tu vois, il peut. Classe. Bah, le mec, justement, il reprenait pas après, il faisait merci, c'est cool, je suis arrivé à mes fins, au moins, il te remercie. Ouais, mais. Est-ce qu'il déposait une petite liasse de billets sur ta table de nuit et s'en allait ? Ah non, bah non, quand même. Non, du, c'est pas une pute. Voyons. Non, quand même. Non, je suis pas une pute. Mais bien sûr que non, Amélie, évidemment. Attends. Non, je me respecte. Ben, c'est clair. Bon, et on va prendre Antoine également qui est avec nous, là, en Gironde. Salut Antoine. Salut Mickaël. Ça va ? Ouais, tranquille. Ah, y a pas que des alcooliques qui écoutent cette émission. Non, mais voilà. Non, moi je bois très cher et car. Je croyais qu'il fallait être dans un autre monde pour comprendre l'émission, mais en fait non, ça va. Antoine, qu'est-ce que t'as comme conseil à filer à David ? Ouais, bah alors, il faut, quand tu bandes, il faut taper son gland super fort sur la cuisse. Ah bah oui. Moi aussi, la dernière fois, je faisais l'amour avec une meuf, j'ai pris ma bite et je l'ai tapé sur la table. Et paf, le sang est éclaté. Vraiment, vous vous foutez, mais ça désensibilise vachement le gland. Mais Antoine, oui, c'est normal, il est mort. tu sais quoi, sinon j'ai un meilleur conseil, coupez-vous le gland. Voilà. Là, il sera totalement désensibilisé. Voilà. Tu vas à la cuisine, tu prends un hachoir, et hop. Et tu le scalpes. Exactement. Tu sens l'enculé de gland. Ah parce que sinon, nous, on a une solution. Hein. Vas-y, mets ton gland là. Voilà. Ça y est, ça coupe. Voilà. Et puis après, on peut le faire également pareil. Hein. Bah, ça, c'est on est en train d'essayer sur celle de Toff là, attendez. Ça c'est la méthode bio, hein. C'est voilà. La méthode naturelle. Attendez, on est en train d'essayer sur celle de Toff, attendez. Attends. Elle est dure, hein. Ah oui, elle est dure. Ah, bah, ouais. Oui, attends, on y arrive. Ah c'est la fin, bah voilà. Voilà, parfait. Bien. Comment? Ah, je parle à ma femme. Ah bah santé. Ouais. Alors, sinon moi je voulais dire on peut faire comme les Indiens, après tu t'empales le gland et puis t'as plus besoin de bander. Hein. Oui c'est vrai, c'est une idée, ouais. Non mais Antoine, t'es sérieux toi quand t'as. Tu te tapes le gland contre la jambe. Non mais ça marche, ouais, ça le descend. Mais tu peux lui mettre des coups de poing ou pas? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Est-ce que tu peux lui faire une clé de bras? Au gland. Ça y est, je viens de comprendre, c'est de là que ça vient la bifle. En fait, tu lui mets des petits coups pour la désensibiliser. Ah, non, c'est un truc de gros pervers ça. Il y a peut-être de ça. Eh, dis-moi Antoine, David, il y a des solutions autres qui existent. Hein. Vous pouvez prendre par exemple les capotes, les Durex Performa, il y a de la basocaïne à l'intérieur et donc du coup ça vous endort un peu le gland. Non, pas de capote. Oui, bon, enfin bon, je te donne une solution, mais ne sors pas. Tu peux très bien te mettre la capote, ça t'endort le gland et t'enlèves la capote. Non, j'ai pas capote. Oh, qu'est-ce qu'il est relou. Mais non, ils font la basocaïne tout seul. C'est-à-dire que t'as plus besoin de prendre la capote. Eh ben voilà, avec quoi. Non, tout est non. Ouais, t'as qu'à prendre. Non. En fait, il veut pas de solution, il veut boire un coup, c'est tout. Voilà, bah santé. Non, ou alors sinon il répète le nom de sa mère plusieurs fois dans sa tête. Oh. L'autre il a des conseils, Antoine. Mais t'es complètement con, toi. Et ça, c'est pour ça que les Canadiens ils disent tape au fond, je suis pas ta mère. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est horrible. Quoi. Amélie, oui. Comment tu le vivrais si ton mec est en train de coucher avec toi et puis qu'il arrête pas de gueuler le nom de sa mère? Je prendrais mal. Ouais, bah oui. C'est pas contre toi, Amélie. Plus du tout, j'arrêterais l'acte. Ah, t'arrêterais l'acte directement, toi? Ouais. Ah, et putain. Bah, ouais. D'un côté, j'ai envie de dire, tu gueules le nom de ta mère, t'es en train de coucher avec ta copine, c'est un peu chaud. Non, quoi. dans ta tête. Tu... Bon, après, il y en a qui le crient, hein. Moi, je voulais. Oui, enfin, Jean-François, c'est pas le moment. Alors, mais... on va jouer. Non, mais c'est rien, c'est Jean-François qui était un petit peu. On va jouer, c'est sûr. Bah oui. J'aime le sperme. On a plus de nouvelles de Gilou, hein. Non, c'est vrai. Non, il y a Gilo qui te posait une question, Amélie. J'ai pas entendu. J'aime le sperme. Ah non. Ah merde. Dans la bouche. Ah merde. Bah tu prends tu prends de l'eau gaz. Oui bah c'est trop tard, on a rien entendu parce qu'il y a Tof qui essaie de rapper. Bah non mais j'essaie de faire un truc, mais comme t'as ton qui avait commencé. Non, je voulais savoir si du coup elle préférait la faciale, mais bon. Ouais, du coup ça n'avait aucun intérêt. Ah non, pas du tout, pas bah du voilà. Tout, pas la faciale, non. Mais tu fais bien, Amélie. Bon ben bah, Amélie, Antoine et Olivier, merci d'avoir appelé. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, hein. De là, je peux faire une petite merci. Gros bisous Amélie. Ouais, bah, gros bisous. Je t'embrasse, vas-y Antoine. Ouais, à une seule personne, choisis la bonne. La club, j'en prévois rien. Très bien. Eh ben le message est passé, pas de problème. Ça, on sait pas à qui, mais. Salut pas... Antoine. La club, j'en prévois rien. Salut, salut, à bientôt Antoine. Oui. Merci Olivier. Ouais, les gars. Ouais. Moi j'ai une solution pour David. Ouais. Tu as eu la solution de la scie. Oui. Et le mieux, c'est la tronçonneuse. Tu l'allumes, tu découpes, terminé. Ben voilà, effectivement, merci. On en avait parlé tout à l'heure. C'est vrai que nous on avait parlé de la scie, mais la tronçonneuse c'est plus pratique. Bah oui, on dit, on n'y pense jamais. À c'est vrai, c'est vrai. Bon, merci Olivier, merci David. Oh, la famille. Ouais. Oui, salut ouais. À vous. Allez, à bientôt tous les deux. Bon, on aura Mario dans quelques minutes. On aura le résultat avec Nathanaël, le résultat de la colle dans quelques instants. On aura les appels de Tof. Il y a Thomas qui dit pour les vieux précoces, quand ils sentent que ça vient, faut changer de position et serrer le début de la verge. D'accord. Adrien aussi, je vous écoute depuis un mois, je vous écoute tous les soirs et je vous surkiffe. J'ai jamais autant rigolé en écoutant la radio. C'est possible d'avoir un petit message de bienvenue bien dégueulasse, s'il vous plaît, l'équipe. Bah, bien dégueulasse, je sais pas, mais je suis là en stock. PDA, gros PD Kotieva. Et bah voilà, Adrien, écoute, bah en tout cas, merci de nous avoir rejoints, c'est très gentil à toi. Minuit 24, je vous l'avais promis tout à l'heure. Eh ben, on va se faire le son de Pils maintenant. Son qui date de 1998, mais je trouve pas qu'il fait pas son âge. Non. C'est vrai, hein, sincèrement. Je trouve pas qu'il fasse son âge. Écoutez ça, ça s'appelle Rock Me. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, sur le Facebook, vous nous rejoignez et puis vous nous appelez également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Allez, c'est parti, pile, c'est Rock Me, c'est maintenant sur Fun. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ben voilà, avec le son de pile, c'est Rock Me à l'instant sur Fun, son qui date de 98. Et comme je le disais, je trouve qu'il fait pas son âge. Vrai hein. Non ouais, moi j'aime bien ce son. Ben voilà, il y a même Tim qui est passé nous voir. Ça va, bon, prends le micro là. Salut. Ça va. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé du Pils là? Est-ce que tu trouves qu'il fait son âge? Bah moi non, je trouve pas. Non, ah, il pourrait sortir vraiment... aujourd'hui qu'il est pas choquant quoi. Ouais, moi ça me faisait un petit peu penser à Fatboy Slim. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, effectivement, Fatboy Slim, ouais. Ah, je me ferais bien un vieux son de Fatboy Slim. Ah aussi, oui. Attends, qu'est-ce que j'ai en stock là? Parce que je dois pas avoir non plus 150 000 trucs en stock. Alors, fat. Ah, la tête de Tof. Ah, bah c'est bizarre. Alors, fat. Ah, en Fallout Boy, j'aurais bien voulu, mais non. Fatboy Slim, eh ben, je me rends compte que je n'ai rien en stock, c'est parfait. Ah, merde, bon, t'as pas... Bah écoute, je vais essayer de retrouver quelque chose de bien à mettre tout à l'heure. Voilà, un petit Fatboy Slim, très bien. Bon, un titre en... Ah si, il y avait... Ah, oh, putain. De quoi, de Fatboy? Ouais. Merde, j'ai oublié. Merde. Il y avait un vieux là que j'aimais bien, là, Fatboy Slim... Avec... Ah putain, je pourrais le dire mille fois là, merde. Tant pis, je vais essayer de le retrouver. Message qui dit déchire le son, c'est Misaki qui avait envoyé le message. Cool, Adrien qui dit le son est une tuerie, merci pour ce son des années 90. J'adore, t'es le meilleur, message le sait depuis des mois Mickaël, c'est Jérémy Titi. Bah merci Jérémy, c'est gentil. Et Freestan également, putain énorme le son, merci beaucoup. Cédric du Sac Neuf qui dit trop bon le son, je le kiffe. Ce son, I love so much, merci Mickaël de nous le faire redécouvrir. Bah oui, pour ceux qui ne le connaissaient pas effectivement. Génial le son pour... Justine également, qu'il est bon le son pour Fredes 34. Pas mal ce son finalement pour le Bosniakov. Bah, très bien, bah, merci beau, en tout cas. On essaiera d'en mettre d'autres comme ça, hein, histoire de varier de temps en temps. Voilà, de varier un peu les plaisirs également. Ouais. Avant de faire les appels de Tof, on va donner la réponse à la colle de Nathanaël. T'es là, Nat? Toujours, ouais. Eh ben tant mieux, bienvenue à toi, Nat. On va donc donner la réponse à la colle maintenant. Tu vas peut-être repartir ou pas avec... Une GoPro Hero 3 Plus. C'est ce qui va débarquer dans quelques minutes, d'accord? Ok, pas de problème. Bon, Nathanaël, répète la colle, s'il te plaît, maintenant, avant qu'on appelle le gagnant ou la gagnante. À ciel dégagé, on peut marcher vers lui, mais on ne l'atteint jamais. Qui est-ce? Très bien, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si la réponse, enfin, si la personne qu'on appelle maintenant donne la bonne réponse, eh ben, c'est gagné. Pour elle, évidemment, perdu pour toi. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse n'est pas bonne, eh bien, c'est toi qui repartiras avec la GoPro. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Greg. Salut Greg, c'est Mickaël, t'es sur Fun et il y a Nathanaël qui a une colle à te poser. Vas-y Nat. Oula. Vas-y. À ciel dégagé, on peut marcher vers lui, mais on ne l'atteint jamais. Qui est-ce? L'horizon. L'horizon. Ouais, bonne réponse. C'est pas vrai. Eh ben si. Bah, ce qui est vrai surtout, c'est que Nathanaël repart la queue entre les jambes. Oh. Ah bah oui. Faut pas gagner à chaque fois non plus, évidemment. Oh, écoute, c'est l'important, c'est de participer. L'important, c'est d'être resté avec nous aussi longtemps à l'antenne, n'est-ce pas, Nathanaël? Ouais, c'est clair. On sent qu'il n'y croit pas d'une douille, sans toi. Bon, bah écoute, bon bah hey, quand tu veux, Nathanaël, tu rejoues avec nous, il y a pas de problème, d'accord? Il y a pas de souci, d'accord. Salut, Nath, à bientôt, ciao à toi. Bye. Et puis Greg, tu restes au standard, on va te repasser Sandro, d'accord? Ok. Salut, Greg, passe une bonne soirée, à bientôt. On va prendre Mario aussi dans quelques minutes. Salut, Mario. Allô. Allô, ça va bien Mario? Ouais, toi? Bah très bien salut, Mario. L'équipe. Tranquille, l'équipe salut. Te salue. De quoi on va parler avec toi dans quelques minutes Mario? C'est parce qu'en fait je suis placé en foyer à Carré. Et il y a un petit qui arrête pas de me péter les blancs, c'est un truc de ouf. Et j'aimerais bien savoir comment faire pour lui faire des crasses dans le dos en fait quoi. Ah d'accord, mais tu connais Léo non? Attends, quand tu dis c'est un petit, c'est un doux ou... Quel âge il a? 13, 14 quoi. Ah ouais, il parle comme ça encore ou pas? Ouais, il parle comme ça quoi. Ah ouais, donc c'est un doux. Très bien, bon alors reste avec nous, on va demander l'avis des auditeurs là, Mario, bouge pas de là. Et puis pour les appels maintenant, on va donc aller direction, je sais pas où, mais quoi qu'il en soit, direction un des numéros que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof comme tous les soirs, toph@funradio.fr. On va donc appeler pour ce grand et... Oui, ce grand sondage. Oui, très grand. Qui disait que 40%, enfin que les mecs devaient se méfier des sportifs puisque 40% des femmes avait tendance à se barrer avec un sportif. Oui, voilà. Enfin, à se faire démonter par un sportif, mais elle rentre à la maison. Bah oui, éventuellement, oui, c'est ça. Donc, on y va, c'est parti, on appelle le premier maintenant, là. Enfin, le premier, c'est le deuxième appel de soir, hein, mais premier de maintenant, là, minuit 33. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir avec quel type d'homme votre femme pourrait vous tromper. Pardon? Non, avec quel type d'homme votre femme pourrait vous tromper. C'est quoi pour une question? Ça, vous êtes qui? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, rien, monsieur, c'est une question, je vous pose la question, c'est tout. Ça ne vous regarde pas et ma femme ne me trompe pas. Ma femme, c'est pas une pute, ça va? Non, mais c'est pas la question que je vous pose, monsieur. Je vous demande avec quel... Non, c'est la question que vous vous dites, parce que vous faites passer ma femme pour une pute. C'est quoi ça comme une histoire? Mais vous emmerdez les gens avec vos cuillonnades comme ça? Mais pas du tout, monsieur. Moi, allez, au revoir, monsieur. Mais attendez, allô, vous avez pas répondu à la question. Ah, et nous, on était à Charleroi, alors. Hein. Ah oui, oui, là, on y était bien. Bon, allez, on rappelle. Fun, c'est pas une pute, hein. C'est pas une pute. Allez, hop, on rappelle. C'est parti, minuit 34, toujours sur Fun. Allez. Et y a Tiesto qui arrive aussi avec Wasted. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Oui. En fait, je voulais savoir avec quel type d'homme vous pourriez le tromper. Malheureusement, je ne suis pas comme ça, je ne trompe pas mon homme. Oui, non, mais c'est une image, madame, on imagine. Si jamais vous deviez le tromper, vous le tromperiez avec qui? Avec personne. Mais peut-être une star de cinéma ou vous préférez les sportifs, peut-être? Non, vous savez avec qui je le tromperais? Non, dites-moi madame. Ah, vous resterez étonné. Oui, bah c'est pas grave, dites-moi quand même. Avec M. Pokora, le chanteur. Ah oui, quand même, oui, oui. Ah oui, c'est pas mal. D'accord. Là, je tromperai mon homme avec lui. Ah, parce que c'est un mec génial. Il est beau. Il a beau corps. Ah bah oui. Ça, j'aimerais bien de fantasmer. J'aimerais bien de fantasmer dessus. Ah bah écoutez, si vous voulez, si on le connaît bien, écoutez, on vous présentera. Hein. Oui, ah, c'est ça. Si ça peut vous faire plaisir. C'est ça. Hein? Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup, madame. Et comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Ah bah, dans l'annuaire, hein, madame. Je ne suis pas dans l'annuaire. Ah bah si, sinon je ne vous aurais pas appelé, madame, je ne serais pas permis, sinon. Ah ben non, parce que premièrement, c'est déjà pas mon nom, le téléphone. Ah bah oui, mais alors, c'est-à-dire que moi, je peux pas savoir que je vous appelle. Moi, j'appelle un numéro et puis je tombe sur quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, le jour que vous verrez M. Pokora, vous dîtrez qu'une femme mariée aimerait bien faire son fantasme dessus. Eh ben, très bien, je lui dirai, madame, ça lui fera plaisir. Ah oui, là. Ah ben, d'accord, parce que c'est un mec, il est un beau mec. Et encore lui, il y a encore des autres mecs que je voudrais bien avoir comme chanteur. Ah oui, dites-moi. Comme le nouveau Kenji, là, qui a gagné à The Voice. Voilà, ah, alors, oui, oui. Le beau garçon qui a gagné à The Voice, belge aussi. Ah oui, oui, oui. Mais je lui dirai, madame, je lui dirai aussi. Mais malheureusement, on n'a pas de les occasions là, parce que quand on n'a pas de chance, comme je suis une femme fidèle, je ne le ferai jamais. Eh ben oui. Eh ben votre mari a de la chance, madame. Ah ben oui, hein? C'est une femme géniale, parce que je ne bouge pas. Je suis une femme très courageuse. Et ça, c'est beau, madame. On se confie tout, on s'en va tous les deux, on fait tout ensemble. Alors pourquoi je devrais être dépendante? Parce que j'ai un homme très très génial, il est très très gentil avec moi, que j'étais fort malheureuse. Maintenant je suis tombée un mec merveilleux, oh là là. J'ai tout ce que je veux. Oh, c'est beau, madame, c'est beau. J'aurai pas l'occasion de tromper mon homme. Eh ben c'est beau ce que vous dites, madame. On va se quitter là-dessus, c'était magnifique. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, hein, et plein d'amour à vous deux, c'était magnifique, merci, madame. Merci, vous m'avez touché, j'ai failli rougir. Allez, je vous laisse, bonne soirée. Moi aussi, au revoir. Eh ben voilà, ben, au moins, Matt, si tu nous écoutes, je pense qu'il y a du lourd là. Ah ouais, là non, je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse plaisir. Ah, bah plaise, je sais pas, mais en tout cas qu'il fasse plaise. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est possible aussi. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, hein, avec grand plaisir du coup. Hein, des magnifiques appels comme ça, sexy. Ah ouais, classe et tout, là, on était bien. Ah ouais, ouais, ouais. On était bien dans la Belgique profonde. Ah, trop, trop bon là. Il y a Mehdi aussi, mort de rire, j'adore Mickaël, bah de rien. Brandon qui dit un message de bienvenue, je vous écoute depuis peu, j'ai toujours pas eu le mien. Ah ouais, bah on peut pas le mettre à tout le monde évidemment, hein, mais toi, je vais t'en mettre un petit là, puisqu'on est tombé sur ton message. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, il y a Jacques aussi qui dit Fatboy Slim avec Right Here, Right Now. Ah ouais, voilà, Right Here, Right Now. Ah, il était bon celui-là. Attends, je vais vérifier là. Je vérifie en direct. Attendez, si je l'ai là. Je dois l'avoir en plus. Alors attendez. Je regarde. Fat. Ah, voilà, attendez. Fat. Eh ben, je vais le trouver dans quelques minutes. Oui, non, mais ça marche pas, Toff, parce que si nos amis d'Atechnique, parce que Toff avait bien trouvé sur Internet, mais si malheureusement nos amis d'Atechnique ne nous permettent pas d'utiliser. Ah, pardon. En gros, pour tout vous dire, j'ai demandé de faire une modif il y a 2 mois dans le studio, et bon, c'est vrai que ça prend tellement de temps de changer un bouton par un autre, chaque chose en son temps, quoi. Hein. Malheureusement, on est dans une radio de fonctionnaires, donc c'est compliqué. Mais bon, ça, un jour je le ferai moi, hein. Faut juste que je sache comment ça marche. Il y a Léo qui dit, elle est où la vidéo là? Je veux la voir, mais ça met toi la vidéo de Nabila. Ben non Léo, là, tu tapais Mickaël officiel sur le Facebook ou sur Insta ou sur le YouTube, et puis voilà, tu t'abonnes à la chaîne, et puis si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonnerai à la tienne, tu verras la vidéo, la sextape de Nabila. Allez d'ailleurs la voir parce qu'elle va être supprimée. On connaît le truc, ouais, hein. Ouais. Avec Facebook, ça va être supprimé. Et puis après, il y a YouTube qui va s'en mêler. Nabila va s'en mêler, va porter plein de comptes Toff. Ouais, et puis enfin, voilà. Hein. Elle va porter plein de pour vidéos malveillantes à caractère pornographique. Totalement, mais ce sera sa faute. Et le boudin qui dit Mickaël, je savais pas que Mickaël était sur Femme Radio. Je les kiffe trop, eux et toute son équipe. Ah bah oui, le boudin, on est là hein, depuis le mois de juillet. On est sur Femme Radio. Bah, merci le boudin. Et t'es sorti avec Toff peut-être, non? Je crois que c'est un mec le boudin. Oui alors. Et Maxence qui dit moi j'ai des sourcils gros, des yeux foncés, un nez bosselé et une petite bouche, ça donne quoi? Ah oui, alors on était là-dessus depuis le début de l'émission, là, puisque grâce à vos visages on sait si vous êtes un bon, si vous avez une gueule sexuelle ou pas. Voilà, qui transpire la sexualité. Donc alors toi t'avais quoi? Donc les sourcils quoi? Les gros sourcils. Gros sourcils ça veut dire sexuellement excessif. Tes yeux foncés ça veut dire passionné et intense, difficile à connaître de prime abord, mais vous ne regretterez pas l'effort. Y a quoi aussi? Le nez bosselé. Goût prononcé pour le sexe, fantaisiste c'est mieux. Et alors, tu avais une petite bouche, c'est donc imaginatif et créatif. Tu atteins rapidement l'orgasme et niveau affection, bah t'es. Tu ne serais pas le plus aimant quoi. Alors moi c'est, du coup c'est quoi? J'ai dit que je le ferais pour moi. Les sourcils petits et clairsemés. Bah non, bah oui, oh là là, bah oui, évidemment. Non, mais non. Voilà, donc je suis sexuellement excessif puisque épais et fourni. Les yeux, bah foncés. Passionné, intense, difficile à connaître de prime abord, mais vous ne regretterez pas l'effort. Le nez retroussé ou bosselé. Il est pas bosselé. Non, il est pas retroussé non plus. Non, mais bon, bah oui, mais j'ai pas entre les deux. Bon, écoute, je vais faire retrousser puisque bosselé on connaît déjà. Indique quelqu'un de rêveur et de romantique. C'est vrai. Note. Et ça, c'est quoi? Ils n'ont pas d'intérêt dans les aventures érotiques. D'accord. Et alors, les lèvres, grande bouche ou petite bouche? Moyenne. Petite, ouais, petite. Il n'y a pas moyenne. Ouais, non, mais petite. Ah oui, mais alors bon, petite. Alors, imaginatif et créatif, ils atteignent aussi rapidement l'orgasme. Bon, bah ça, c'est comme Toff. Et alors, lèvres inférieures pulpeuses ou pas? Je peux pas dire ça, j'en sais rien, moi. C'est pulpeux ou pas? Bon, Sandro, lèvres pulpeuses ou pas? Je m'as pris pour. Ah, quelle horreur. Attends, je me tourne là, je peux pas. Comparé à Toff, oui. Ouais, comparé à Toff, ouais, mais. T'as les lèvres pulpeuses, Ouais, bon, alors lèvres pulpeuses, c'est quoi? Oh, quelle horreur. Tous les tenteurs de ses lèvres sexy seraient un aventurier sensuel, mais ils seraient aussi les plus infidèles. Ah ouais, non, bah alors c'est pas ça. Non. C'est-à-dire que ouais, je vais tromper un œuf de ma vie, donc. Bah, Toff devrait avoir une lèvre pulpeuse alors. Ouais, je vais aller mettre du botox. Bah, non, ouais, Oui, mais il devrait, puisque c'est un mec qui trompe tout le temps, là, apparemment. Je mets du botox. Bah, il devrait. Bon, bah, écoute. Il y a Maxence qui dit. Ah oui, ça, je l'avais déjà lu. Fabien qui dit ce PD de Toff a un vieux rire de merde. C'est mon côté gay. Exactement, ouais. Bon, il y a le petite fille qui dit les becs, vous êtes des oufs. Mais non, on est là, on est naturel, tout simplement. Oui, en tout tranquille. Cas, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs là qui débarquent de plus en plus nombreux. Alors, depuis hier soir, ça cartonne bien. Donc, vous balancez tous vos messages, évidemment. Rejoignez-nous Facebook, Twitter, tapez Mickaël officiel. Sur Instagram et sur YouTube également. Et puis à l'antenne en nous appelant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus. On aura Courteau dans quelques instants. C'est Hindou qui voulait faire un cadeau à sa mère. Oh. Parce que je rappelle que c'est la fête des mères dimanche en France. Et puis Mario là qui est prise de tête avec un mec. Enfin, c'est un mec qui lui prend la tête plutôt. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un mec vous prenne la tête ou qu'une meuf vous prenne la tête? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à filer? Eh bien, appelez-nous. On en parle juste après le son de Tiesto. C'est Wasted. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. I like us better when we're wasted. Le son de Tiesto sur Fun Radio, c'était Wasted. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à deux. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, il y a Poudre et Paillette qui dit cette conversation est sans queue ni tête comme Toff. Non, cette conversation n'a ni queue ni tête comme Toff. Merci Mickaël, je la ressortirai celle-là. Oh écoute, je dois rendre à César ce qui appartient à César, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un ancien animateur de Fun qui s'appelait Gérard et qui n'est plus là aujourd'hui. Donc paix à son âme, qui était avec Max d'ailleurs à l'époque. James également qui dit coucou, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît. Bah oui si tu veux. Ferme ta gueule. Voilà, et Brian qui dit mort de rire, le vieux c'est un chien. Aucun respect la sextape quand même là de Nabila. Bah ouais, elle est encore en ligne, hein. Profitez-en. Il y a Carlos qui dit vous êtes des malades, des marines, qui dit ouais, tu m'as bien eu avec la vidéo. Et pourtant j'ai cours demain et plein de devoirs à rendre, mais je t'écoute toujours. C'est gentil, Marine. Je te fais des gros bisous à toi, bien sûr. Et la petite fée qui dit oh oui, Mickaël est romantique, continue. C'est quoi? C'est connu, il est gentleman, le gentleman de ces dames. Oh. Oh, je sais pas si c'est le gentleman. Le man de ces dames, mais effectivement romantique. Voilà, bon, on va filer un cadeau à une mère de doux, à une merde de doux, à une mère d'hindou qu'on va faire dans quelques minutes. Merde, mais non, mais pas du tout. Et donc on va faire ça dans quelques minutes. On aura également le karaopé. Si vous voulez jouer avec nous au karaopé, le principe est simple, on vous balance des musiques version paix et donc à vous de découvrir quel est le nom du chanteur ou le titre de la chanson. On a besoin de deux garçons et de deux filles, entièrement pété par Toff. Totalement, entièrement. Donc, si vous voulez jouer avec nous les filles, surtout les filles, je crois qu'on a déjà deux mecs mais on cherche les filles, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je compte sur vous. Et puis vous le savez hein, souvent on fait les canulars hein, notamment souvent le jeudi. Et donc si vous voulez participer à un canular également, eh bien vous n'hésitez pas à nous appeler. On en fera un autre demain d'ailleurs hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a des GoPro Hero 3 Plus à gagner. Et bah, justement en parlant de canular, il y a Vincent qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, tranquille, là je suis sur la route en train de monter sur mon point relais là. Sur ton quoi? Sur mon point relais à la Roche-en-Brenil. Ah, ton point relais, d'accord, ok, je me dis qu'est-ce qu'il raconte hein, son point relais, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc t'es camionneur? Ouais, enfin chauffeur poids lourd exactement. Chauffeur poids lourd, ouais c'est ça, c'est quoi la différence? La différence c'est que camionneur, lui, c'est plus le gars qui va aller faire du TP ou de la messagerie ou des trucs comme ça, c'est... Ah. Voilà, moi c'est plutôt le gros, les gros poids lourds en fait. D'accord, le gros poids lourd, d'accord, ok, très bien. Bon, on va faire, donc t'appelles pour faire un petit canular, on va piéger qui? Bah tout simplement mon patron, il s'appelle Yves. Mais ça peut marcher aussi, c'est vrai qu'on y pense rarement au patron, à chaque fois je dis si vous voulez piéger les amis, les copains, la famille. Les profs, ouais c'est ça en fait, on peut piéger tout le monde, hein, ça marche aussi, bah le patron, très bien. C'est ton boss depuis combien de temps? T'es sûr qu'il va bien le prendre, tu vas pas perdre ton taf hein? Ah non, j'en suis sûr, je suis chez lui depuis 2004, puis je le connais depuis 2000. D'accord, ok. Non, 98 exactement, 98. D'accord. Bon, revenons maintenant au canular. Donc tu vas pouvoir repartir peut-être avec soit l'iPad mini, soit le casque DJ.

Non, je prends le single. Ah, 2 euros le single, ah oui, quand même. C'est 1 euro et des cahuètes, mais attends. Si jamais il y a le morceau que je veux mettre, que je viens d'acheter comme un con, que j'ai pas pensé à regarder. Non, ça va, y a pas. Voilà, rassuré. Enfin, rassuré. Je sais pas si je dois être rassuré, mais bon, bref. Donc, du coup, je l'ai enfin. Je vais pouvoir vous le mettre. On en parlait depuis tout à l'heure. Bienvenue, mes enfants. Mais non. Ah, pardon. Ah oui, nanana. Ah, il est au top du top. C'était avec le gros qui avançait. Ouais. Ouais, ça me donne envie, ça, de courir nu dans les bois. Ah, bah, ouais. Cours nu dans les bois, alors, si tu veux. Oh, il va être énorme, celui-là. Tellement énorme que peut-être mettre le même maintenant, tiens. C'était ça où j'avais Pavosco. Ouais, mais ça c'est bien parce qu'on fait une découverte. Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ce morceau. Ouais, alors que Pavosco, tout le monde le connaît. Ouais. C'est vrai. Bon, ça date de 99, c'est pas tout neuf. Hein, on va faire dans l'old school ce soir. Fatboy Slim, maintenant c'est Right Here, Right Now. Bah, c'est sur Fun Radio justement. Et on est là jusqu'à 2h sur Fun. Sont des Fatboy Slim, right here, right now sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Il y a le Caropet qui va arriver dans quelques minutes, il y a Lydie qui dit trop bon le son, Adrien qui dit ça fait du bien, un peu de vieux son là, surtout quand c'est de la qualité. Valou aussi, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas écouté, il est trop bon ce son, ce serait sympa de le remettre un autre soir. Bah maintenant que je l'ai acheté, on va le remettre. Hein, ah bah oui, autant rentabiliser quoi. Et Benjamin qui dit on l'a tous écouté au moins une fois ce son, il y a Freestyle aussi. Énorme les sons rétro dans Mickaël, vraiment nos limites. Bah écoute, ouais, ça m'a pris comme ça ce soir. DJ Damino qui dit trop de souvenirs sur ce Fatboy Slim. Il y a Mademoiselle Myriam aussi, j'ai 20 ans et j'adore cette musique. Joss qui dit aussi Right Here Right Now sur Fun Radio. Et puis Julien, son à fond avec Fatboy Slim. Et Jacques aussi, trop bon le son, Mickaël. Thanks. Ever you're welcome. Et puis Nadia aussi qui dit qui veut mettre Mickaël qui veut mettre un bon coup de pelle pour que je tweet en mode à donf de la mort qui tue. Bah écoute, si tu veux, avec plaisir. En parlant de tweet, on va peut-être vérifier aussi comment ça se passe au niveau du top tweetos. Mais bien sûr. Puisque vu le nombre de gens qui ont tweeté ce soir, je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau des 5 premiers. Et je rappelle également le principe, hein, donc tous les soirs, on balance, on offre un cadeau à celui qui est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Et donc nous allons vérifier maintenant quel est le numéro. Et Tim, qui est donc un auditeur qui peut prendre le micro et s'approcher de Toff. Oui, je sais, c'est ouais, dur. Bouge-toi. Bouge-toi le nez. Oui. Prends le micro, prends-le, tire-le. Tire-le, va vers Toff. Ah oui, voilà. Ah, viens. Casque. Voilà. Ah oui, le casque, c'est pas grave, on enlève le casque. Voilà. Voilà. Et donc, tu peux voir que nous avons bel et bien un programme qui calcule les tweets, hein, qu'on n'invente pas le bordel. Oui. Voilà. Donc, en numéro 5, qui a-t-il? Alors, en numéro 5, nous avons Jérémy Titi. Jérémy Titi, en numéro 4. En numéro comme ça, 4. Vous voyez qu'on n'invente pas les trucs et qu'on offre le cadeau à qui on veut. Fred S34, en numéro 3. Jordan Espagna. D'accord. Alors, numéro 2. Le Bosniakov. Et numéro 1. Choucroute. La choucroute. Et Nadia Le Prince, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est où là? Elle est 7ème, je crois, 8ème. Ah, 7ème, ah, ouais, c'est pas terrible. Bon, donc la choucroute est numéro 1. Bon, bah très bien. Bon, bah si vous voulez reprendre la place de la choucroute, il reste 3 bons quarts d'heure maintenant pour continuer à tweeter un maximum avec le hashtag. Et Mickaël, il y a Rastades qui dit mais mort de rire le canular de tout à l'heure, j'en peux plus, je me suis pissé dessus. Pissé de rire, pas mal les bruitages. Bah écoute, merci à toi. Et petite dédicace à mon doudou, Émilie, avant qu'elle aille se coucher, please, elle écoute. Bah, j'espère que j'ai pas lu le message trop tard, je sais pas à quelle heure il est arrivé. Bon, on va se faire le karaopé dans quelques minutes, mais avant ça, parce qu'il est l'heure d'aller dormir, il y a Corto qui est avec nous. Corto ? Allô ? Ça va ? T'es un doux toi ? Oui. Ah, toi t'es un doux pour les cadeaux de fête des mères. Mm-hmm. Ah, ça vient d'où, Corto ? Quoi ? Bah, c'est quoi, sa mère. Non, mais ça vient d'où, c'est quoi ? Ça vient de ma mère. J'abandonne, je laisse. D'accord, bravo. La réponse est magnifique. Bah oui, mais il est arrivé, il a dit à sa mère, il est tard, et sa mère répond non, elle est Corto, et du coup, ils l'ont appelé Corto. Oh la putain, mais il peut pas une être. Minute. Ouais, il dégage. Merde. Voilà. Sac à merde, va. Hop, une minute. Non, mais Corto, en fait, je voulais dire de d'où ça vient, l'origine, c'est quoi? Bah, de chez Corto sa mère. Maltese. Ça vient de chez sa mère? Ouais, voilà, encore une fois. Ben oui, ça vient de sa mère. Ouais, j'abandonne, j'arrête. J'ai l'impression de refuter. C'est le jour sans fin. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ok, d'accord. Réessaye un peu pour voir. Corto, ça vient d'où, Corto? C'est quoi? C'est Corto Maltese? Non, ça vient de chez sa mère. Ouais, ça vient de chez ma mère, ouais. Allez, c'est un truc de ouf. Bon, Corto. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc c'est la fête des mères dimanche en France. Et donc, pour l'occasion, évidemment, nous avons des coffrets Wonderbox I Love Maman. Avec plein de trucs à l'intérieur, possibilité de faire une petite croisière pépère, de faire un petit tour en hélicoptère, d'avoir un massage, même des petites bulles, du champagne donc. Et pour ça, il va falloir que tu nous passes ta mère dans quelques instants. Mais avant cela, Corto, est-ce que tu t'es brossé les dents ce soir? Oui. Ah, toi je peux revenir, hein. Ça y est, ça, oui. la minute est passée. Je peux lui demander d'où ça vient Corto? Non, tu peux pas lui demander d'où ça vient Corto. Bon, donc tu t'es brossé les dents? Oui. Et qu'est-ce que tu fais de bois à 1h15 du matin? Je sais pas, j'étais à la pêche, j'étais réveillée. Est-ce que t'as lavé tes petits pieds? Et le caca qu'il y a entre le petit orteil et le moyen là? Ouais, beaucoup, j'ai pensé à nettoyer ça. Bon, ça va. Est-ce que t'es un doux officiel au fait? Non. Ah bah attends, je te passe Polo. Je te passe Polo pour que j'y te. Bon, Corto. Même moi je commence à confondre, alors on n'est pas arrivé. Corto! Oui? Bon, tu veux rentrer dans la grande confrérie? Il est l'heure et oui. Ah, parce que toi tu peux, mais moi je peux pas. Oui, il a le droit. Ah, allez, oui, c'est pas le droit. Si voilà. Michael a le droit, d'accord. Voilà. Donc, Corto, tu veux rentrer dans la grande confrérie des doux? Oui, voilà. Bon, ah, mets-toi à genoux! Non, c'est pas. Okay. Mais qui est con, mets-toi à genoux avant que je m'énerve. C'est bon. Voilà. Corto, par les pouvoirs qui me sont conférés de la grande confrérie des doux, moi qui suis le grand maître, insulte-toi! Je suis un sale tof. Ça c'est drôle. Encore. Je suis vraiment tof, je suis tofesque. Encore. Je suis tofé. Bon, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui. Il est important qu'il soit dans la main droite. Ok. Ok, tape-toi sur la tête. Encore. Aïe. Encore. Parfait. Corto, tu es officiellement un doux, bravo! Ouais, faites péter le champomy. Ouais. Et Corto, tu seras le nom qui vient de sa mère. Le doux du prénom qui vient de sa mère. Voilà. Ah, je suis original, tiens. Ah, oui. Ah bah ça c'est sûr, effectivement. C'est comme ta réponse, idiot. Tout à fait, tout à fait. Bon, et ta mère, elle est là, passe-la nous. Ok. Elle est réveillée au moins? Tout à l'heure, elle était réveillée. Ah bon, tout à l'heure, bah ça promet. Comment elle s'appelle? Martine au lit. Allez. Martine au lit. Enfin, Martine est au lit. Elle est où là? Il est dans la chambre. Armure, t'as vu le bruit qu'il fait quand il marche? On dirait qu'il y a une petite armure en métal là. Bah oui, c'est un doux. Sale doux. Attendez. Bon, bah passe-la nous. J'attends une seconde. Bah pourquoi faire? Je sais pas, me dis une seconde. Ah, d'accord, ok, je crois que c'est toi qui disais j'attends une seconde. Allô? Elle est partie. Allô Martine? Allô? Oui. Ça va Martine? Oui, ça va. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il fait debout encore le petit là, 1h15? Bah je sais pas, il devrait pas être debout, hein. Il va se faire jeter. Ah bah ouais, il commence à quelle heure demain là? 9h. Oh, ça va. Oui, mais on lui ouvre l'esprit, madame, sachez-le, nous sommes exactement. Des gens. Exactement. J'espère parce que c'est pas vraiment dans la manière qu'on a de l'élever en général. Ah mais nous, attendez, madame, correction, attendez, on parle correctement. Et exactement. Puis, voilà, nous lisons des textes Shakespeare. Nous avons lu ce soir un extrait de La Tempête de Shakespeare. Oh, formidable, je pourrais l'interroger demain alors. Mais bien entendu, madame. Bon, il ne pourra pas répondre comme à chaque fois qu'il a l'interrogation, mais oui, bon. Car. Quelle est la moyenne d'ailleurs de notre ami Corto? Elle est assez moyenne, on va dire. Ah. Hein. Mais alors, c'est-à-dire en chiffres? Bon, allez, on va dire, c'est pas sympa, hein. On va dire qu'il a 12 en moyenne. Ah ouais, pour être sympa, donc on a tapé haut, quoi, là. Et dites-moi, ouais, madame, j'ai une question importante, je l'ai posée plusieurs fois à Corto qui n'a pas su répondre. D'où vient Corto? C'est Corto Maltese? Non, ça vient chez sa mère. Oui, c'est Corto Maltese. Ah, ouais. Bah d'accord. Il le sait, hein. Bah non, il a dit ça vient de chez ma mère à chaque fois. Bon, alors Martine. Ouais. Bon, il est quand même resté debout pour une bonne raison. J'avoue, on devait faire le truc il y a 1h, c'est moi qui suis en retard. Mais enfin, ouais. Cela dit, même à 1h30, il ne devait pas être là. Mais enfin bon. Puisque ça, aurait peut-être couché à 10h. Hein, bah voilà, dire. C'est ça. Oui. Ah bah bravo, en plus, hein, très bien. Ouais. Bon, et donc du coup, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a offert l'année dernière à la fête des mères? C'est pas un gros bisou. Oh, quel crevard. Ah, quel radin. Quel crevard. Je sais pas, c'était quoi l'année dernière? Quoi? C'était quoi? De quoi? Bah, il est vexé. Il a dû m'offrir un bouquin ou un truc comme ça. Quand il est un peu aidé par ses frères. Ouais, bah payé par papa surtout à mon avis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, probablement. Bon, bah cette année il va faire mieux puisqu'il va vous filer un coffret Wonderbox I Love Maman. Vous allez pouvoir faire soit une petite croisière, mais une petite, hein, toute petite, soit des massages, soit un petit champagne, soit, enfin bref, il y a plein de trucs. C'est une Wonderbox en l'occurrence. Et donc voilà, il va vous l'offrir, Martine. Bon, c'est bien, je peux pas l'engueuler alors. Ah bah non, là moyennement là. Il faut... Enfin si, en fait, au final, parce que une fois qu'on prend vos coordonnées, après on va vous l'envoyer, hein, quoi qu'il arrive, hein, donc qu'il soit content ou pas content. Hein. D'accord. Après, vous pouvez le défoncer, pas de problème. Hein. Alors, je lui fais un bisou et puis en relais, je vous remercie alors. Eh bah, il s'est bien brossé les dents là. Hein. Ouais, deux fois. Bon, bah c'est très bien comme ça. Qui remet une couche quand même, on sait jamais. C'est vrai, c'est pour toutes les fois où il a oublié. Pour une troisième fois. Bon, bah c'est parfait, très bien. Bon, bah Martine, bonne soirée, bonne nuit. Merci. À bientôt, Martine. Oh, je vous repasse, au revoir. Oui, pas de problème. Alors... Bon, Corto. Allô Ah, il y a Polo qui a une question à te poser. Eh, Corto. Ouais. Dis-moi, d'où ça vient, Corto? Ça vient de Corto Maltese? Ça vient de ma mère. Ah, oh, il est parfait. Bon ce doux, il est bon. Bon, allez. Je peux passer une dédicace? Ouais, bah bien sûr, t'es un doux officiel, tu peux même en faire deux là. Choisis la bonne, les bonnes. Dédicace à mes deux frères Théo et Nemo. Très bien, Théo et Nemo. Ouais. Ça vient d'où, Nemo? C'est improbable ça. Le poisson rouge. C'est ta mère aussi, très bien. Ouais, bon, allez. C'est ta mère quoi. Salut Corto. Ciao. Allez, à bientôt, ciao à toi. Bon, karaopé dans quelques minutes. Il y a Mario d'abord qui est avec nous là. Mario, t'es là dans le Finistère? Ouais. Bon, très bien. Alors, bon, Mario, non, pas du tout. Tu nous avais appelé parce que tu avais un mec dans ton bahut qui te saoulait. Alors, donne-nous des exemples. Ouais, dans mon foyer. Et qu'est-ce que. Donne-nous des exemples. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui te saoule? Explique-nous un petit peu plus en détail. Bah, genre, par exemple, quand on mange tous ensemble, j'ai une soeur qui est décédée, je suis passé sur Fun il y a pas longtemps. Ouais. Et des fois il me dit mange t'es mort, enfin, truc de bolos quoi. Oui non mais d'accord mais ça après tu peux pas. Non mais attends, c'est comme ça il y a un truc, c'est comme quand tu dis à un mec ouais va chez ta mère, tu peux pas savoir s'il essaie ou pas, tu vois, la probabilité est quand même relativement maigre. Non, tu peux pas lui en vouloir pour ça. Sauf s'il le sait qu'il continue, alors c'est un trou du cul, mais après. Mais c'est très bien, puis c'est un Oui, Mario, bon, bah, alors c'est un con. Ouais. Mario, tu me connais, j'ai fait de nombreuses guerres, j'ai été j'ai baroudé, je suis un 14-18, il était là. J'étais là, je suis une sorte de Vietnam. 14-18 de 1900, hein, pas de 2000. Car n'oubliez pas, nous sommes des vampires, c'est pour ça que nous travaillons la nuit. Et le jour, nous brûlons. Oui. Si nous restons au contact du soleil. D'ailleurs, on a des cercueils dans le bureau. Ça, tout à fait. Avec la terre. Et comment dire? Oui, tu sais, la meilleure chose, je pense, c'est de l'ignorer. Exactement. Mais vraiment, t'embrouille pas. Il est tellement casse-couille, c'est ça. Impossible. Mais oui, mais regarde, je vais donner un exemple. Je fais exactement la même chose avec Polo. Par exemple, tu vois, c'est-à-dire, je me suis niqué le dos il y a deux semaines et il arrête pas de fantasmer sur le fait que c'est lui qui m'a frappé et que du coup il m'a niqué le dos. Ben, je continue à dire. Je n'ai jamais dit ça. Je continue à ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre et je m'en branle. Et il est content, il y croit et puis voilà, il est content. Quoi. Ouais. Voilà, tout simplement. Oui. Non mais voilà, il y a pas 150 solutions, tu le laisses parler. Tu sais, si t'arrêtes de lui montrer qu'en fait ça te touche. Ça va le faire chier et en fait il va arrêter parce qu'en fait il se dit fais chier en mais fait non, ça, ça non fait... même pas il y a plus tous les soirs il me casse le couille tous les jours tous les jours parce que tu lui montres que ça te saoule. Un jour il va prendre une raspberry, il va rien comprendre. Voilà, c'est exactement ce qu'il cherche. Mais oui. Alors que c'est normal, c'est normal. C'est dans la logique. C'est-à-dire que si toi tu trouves une tête de turc et que tu commences à lui faire des vannes sur un j'en sais rien moi, au imaginons qu'il a c'est pas un vrai turc hein. Bien sûr. S'il a j'en sais rien. Non mais attends, tu n'es pas jusqu'au bout. Si tu tombes sur une tête de turc à l'école, par exemple, un mec que tu vas faire chier parce que ça va te faire marrer, parce que le mec il va à chaque fois répondre, parce que tu vas continuer, tu vas le bâcher, il y a un moment, ça va te faire marrer parce que tu vas voir qu'il y a du répondant et que tu vas pouvoir surenchérir. À partir du moment où le mec que tu vas emmerder ne te répond plus, ou t'ignore, ou même pire, rigole à ce que tu dis, et qui va plus t'engrainer en essayant de surenchérir, bah tu vas trouver une autre tête de turc parce qu'en fait tu vas plus te marrer avec lui. Ouais, voilà. Bah oui, mais voilà, c'est pour ça. Il faut même pas le frapper, surtout pas, c'est lui donner trop d'importance encore. Et au final, c'est toi qui vas avoir les problèmes. C'est une grosse victime. On a été au laser game une fois, je le touche 4 fois, 5 fois, 6 fois. Fais, c'est qui le putain de fils de pute? C'est moi, je lui mets un coup de tête, il a rien compris. Ouais mais tu vois quelle ça sert à rien. Gratuite. C'est-à-dire que tu vois quand on était au Havre, on a fait un laser game aussi où Polo a terminé dernier. Dernier, il devait dernier, des points. Il devait 300 points. Exactement, il devait 300 points au laser game. Improbable. On repassera au Havre pour que tu payes ta dette. Mais non mais au truc. Et voilà, non mais tu vois, sur l'énervement, tu peux dire putain c'est qui l'enculé qui me tire dessus. Eh mec, si on joue au laser game et que je dis putain c'est qui l'enculé qui me tire dessus et que t'arrives et que tu me dis c'est moi et que tu mets un coup de boule, je te mets une patate. Ah mais moi tu te relèves pas. Tu veux un vrai conseil, redescends un peu sur terre. Il y a des gens beaucoup plus violents que toi. Un jour, tu vas te faire défoncer. Et il y en a des plus faibles. Voilà, fais tes études et une vie sociale correcte. Et trouve-toi un métier, une femme, des enfants et puis sois heureux. Non, voilà. Il a 15 ans, donc chaque chose au temps. Il faut préparer. Gros tas dans les parages, c'est impossible. Mais Polo voulait te raconter une histoire d'un boxeur. Quel boxeur? Qui nous a raconté dans le bureau. Laquelle? Je sais plus qui c'est. Il expliquait que c'était un boxeur qui se faisait embrouiller par un type. Et lui ouais. Il y a un. Alors c'est un truc de ouf. Ouais ouais. Mais tu fais du kickboxing. Y a pas que toi qui en fait. Y a des gens qui font des choses encore plus violentes que ça. Bah, dans l'absolu, tout le monde fait toujours un truc de plus que l'autre. Ouais. Il y a un boxeur, un champion, tu vois, olympique, etc. Et il y a un mec qui arrêtait pas de le saouler sur internet. Il dit ouais, je vais te niquer, je vais t'éclater, t'es une merde, je t'éclate. Donc le mec il essaie pendant un moment. Et le boxeur il s'en foutait, tu vois, il disait bah. Et à un moment donné il a insulté sa fille qui était handicapée. Donc le boxeur il a fait vas-y tu sais quoi, viens là à rendez-vous à dans une salle. Viens et puis on va s'expliquer. Donc le mec il vient et le boxeur lui a éclaté la tête, mais pas méchamment. Et il a expliqué, il a dit non, je lui ai mis juste 2-3 droites pour lui montrer qu'en fait c'était personne. Et le mec a flippé quoi. Et d'accord. Il dit ouais mais c'est moi le meilleur. Mais là on lui dit bah vas-y viens. Et pas, il lui a remis une autre droite. Et puis il est parti en courant l'autre. Mais voilà, tout ça pour dire ça sert à rien. Tout ça pour dire Mario que ça sert à rien. Mais ouais. Laisse pisser, t'en as rien à branler. Faut que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et puis tu vas voir quand d'autant trois mouvements, le truc il va, le mec il va s'arrêter directement. Ouais. Si vous avez vécu ça, bah appelez-nous, mais ça sert à rien de façon frapper, donner des coups de boule Mario, alors je peux le dire direct, ça ne sert à rien. Mais à rien de chez rien. Je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais lui faire comme crasse. Rien. Mais rien, je viens de te dire justement, c'est. Mais non, mais j'aimerais bien justement. Fais des études. Non mais c'est pas ça, mais je viens de te dire, c'est pas pour le but, je veux pas te faire chier avec ça. Je te dis juste, ignore-le. En ignorant, c'est pas en lui faisant des crasses que tu vas l'ignorer, au contraire. Tu vas lui faire une crasse, l'autre il va surenchérir, tu vas surenchérir, il va surenchérir et ainsi de suite, et vous y arriverez pas au final, ça va finir en catastrophe. Mais ça veut rien dire, tu seras la victime d'un autre mec, allez arrête. Mais oui, tout le monde est la victime de quelqu'un. Enfin non, sauf Toff. La victime de tout le monde. Bon, cela dit, si vous avez des conseils à filer à Mario, bah reste encore avec nous tant que t'es là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Promis, on se fait le carreau pêche juste après. Aurélie, Jessica, Clément, Mickaël, vous êtes là tout le monde? Oui. Ça va bien? Salut Mickaël. Salut Jessica, salut Aurélie, salut Clément, salut Mika. On va se faire le carreau pêche dans quelques minutes. Ok, ouais, pas de soucis. Très bien, allez, c'est parti. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Eh oui, il est content, Black M. Hello. Salut. You. Ah bah, you alors. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a un message d'Adrien qui dit éclaire ma lanterne, Mickaël, c'est quoi un doux? Un doux, c'est un auditeur de Fun qui n'a pas encore mué ou qui a moins de 15 ans. Enfin, dans l'absolu, il faut pas qu'il ait mué de toute façon, mais l'âge maximum, c'est 15 ans. Voilà. Et il y a Enzo qui dit, s'il vous plaît, possible un petit dédié au lycée Jean Moulin, je vous kiffe, vous gérez les gars, merci Enzo. Et Daniel qui dit, coucou l'équipe, je vous kiffe, et bien joué pour le coup de Nabila. Bah écoute, nous, après, on a chopé la vidéo, la sextée, pour la publie, quoi, tu vois, on bah, peut normal, partager. Le droit à l'information. Et évidemment, l'information n'attend pas. Donc si jamais vous voulez la voir, la vidéo, la sextée de Nabila, avant que Facebook et YouTube la censure, la supprime, et bah tapez et Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. Et puis venez nous rejoindre également, abonnez-vous à ma chaîne, tapez et Mickaël officiel. Et puis si vous vous abonnez à ma chaîne, eh bien je m'abonnerai à la vôtre également. Voilà, comme ça vous savez, faites passer le message à vos potes également. Hein. Je le fais pour vous, je le fais pour les autres également. Donc Mickaël officiel. Voilà, ça marche sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur la chaîne YouTube. Bon, on va se faire le karaopé. Et bon, on va se faire le karaopé maintenant avec Aurélie, avec Jessica, avec Clément et avec Mickaël. Vous êtes là les gars? Hola, oui. Ouais. Yeah. Bon, Aurélie, 18 ans de Carcassonne. Oui. Très bien. T'es là, Aurélie? Ça va? Oui, ça va. Ouais, on t'entendait mal. De l'autre côté, il y a Jessica de Waterloo. De Waterloo ou de Waterloo? Alors, Waterloo dans le nord de la France ou Waterloo en Belgique? Waterloo. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Ok, très bien. Parfait. Et il y a Clément également de Toulouse. Salut Clément. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très bien Clément. Et Mickaël de Hérin dans le Nord également. Ça va Mika? Ouais, tout à fait. Salut, ça va? Parfait. Ouais, impec. Alors, on va donc jouer ensemble et on va surtout séparer les filles et les garçons, c'est normal, hein. Faut pas qu'il y ait de problème. Bah oui, il faut pas mélanger. Évidemment, on ne mélange pas. Faut pas. On ne mélange pas. Aurélie et Jessica, vous allez jouer ensemble, ok? Ok. Et okay. Clément et Mickaël, vous allez jouer entre couilles, ok? Ouais. Le principe est très simple. Je vous passe un extrait de musique. Par exemple, voilà, je mets un vieux son là. Je mets un vieux son qu'on a eu l'occasion de mettre. Voilà, imaginons, on mettait celui-là. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on entend ça, et en entendant ça, il faut être le premier à donner son prénom impérativement, et puis donner la réponse. Là, en l'occurrence, c'était Pitbull avec Kesha. Voilà, donc on va jouer comme ça, il y a 5 extraits, et puis bonne chance. Hein. Donc n'oubliez pas, il faut donner son prénom impérativement avant de donner la réponse, d'accord ? Ça marche, ok. Bon, Aurélie, Jessica, vous jouez entre filles, Clément et Mickaël, vous jouez entre mecs. On y va, vous êtes prêts pour le premier ? On y va. Ouais. Allez ! Ouais, Jessica, c'est nananana. Nananana. Eh ouais, mais encore. Mais le... Faut préciser que c'est une spéciale latino. C'est, oui, c'est une spéciale... C'est un karaopé spécial latino. Alors, attention. Alors, reggaeton. Bon, pas d'idée ? Non. Clément ? Moi. Clément ? Mais... Jennifer Lopez ? Non, non, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pas d'idée non plus, Jess ? Latino, Latino. Je... Son nom, c'est... On peut également dire papa, en anglais. Dad. Puff Daddy. Puff Daddy. Non, c'est pas ça. Il est pas très latino. Hein. Aurélie. Aurélie. Daddy Yankee. Mais oui. Ah, bravo. Il est là. C'était presque Jessica. Nananana. Ah oui, c'était pas... Enfin, presque. Hein. Presque. Bon, ouais. Allez. Extrait suivant, c'est plus facile, je pense. Je me focalise sur les proutes et du coup je Je me focalise sur les proutes et du coup je suis perdu. Je n'arrive pas à... Non, bon, je remets. Concentre-toi sur l'air plutôt que les pères. Ah oui. Sean Paul, non, c'est pas Sean Paul. C'est pas latino, non plus. Non plus, non. C'est une femme, c'est une fille qui chante. Plutôt mignonne. Clément. Shakira. Oh, mais... Ah bah oui, latino. Eh oui, Shakira. Eh, ça ressemblait pourtant, écoutez. Je la remets, hein. Écoutez la version paix. Ah, tu vois, quand on entend la version paix au début, c'est vrai qu'on est un peu perturbé. Bon, 2 points pour les mecs, 0 pour les filles. Oh là, c'est très mauvais. Deux ah oui. Points. Ah oui. Ah, une réponse et 2 points. De quoi ? Elle a trouvé une réponse, Aurélie. Pardon, un partout, autant pour moi. C'est moi qui ai mal calculé. Un partout, autant pour moi. D'ailleurs, je m'en mets une. Voilà. Bon, voilà. Attention, extrait suivant. Vous êtes prêts ? Allez. C'est allez, parti. Toujours spécial latino. Hein. Il a pas l'air. Aurélie ? Lucenzo, c'est une mauvaise réponse. Je sais, j'ai trouvé. Ouais. Est-ce qu'on trouve sur le Twitter avec le hashtag Mickaël ou pas là, non ? Pas trop, pas trop. Non ? Aurélie ? Donomar, non. Non. Non, mais il est très connu celui-là. Il est très connu. Là. On peut. C'est également un chien. Aurélie. Snoop Dogg. Bien vu. Mais non. Latino. Non. Il est pas très latino, Snoop Dogg. Hein. Toujours pas d'idée. Clément. Pitbull. Mais oui. Eh oui. Bon, ça nous fait 2-1. Bon, les filles, vous faites quoi là ? Bah, on galère un peu. Ah, je galère. Moi, Aurélie, la pauvre, elle tente. Moi, je tente rien du tout. Ah, là, il y a un peu de galère. Hein. Bon, alors attention, c'est pas grave. L'extrait suivant, pour l'instant, c'est 2-1. L'extrait suivant, c'est le méga banco qui vaut 1000 points. Ouais ! Ah, ça, c'est du banco. Attention. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Ouais. Thank you. moi je connais. Lucenzo, non. Non, arrête avec Lucenzo là. Eh, je peux te dire Aurélie, il n'y aura pas Lucenzo. Bon, vous voyez pas ? Attends, je remets. Écoutez bien le début. C'est souvent au début que ça fait tilt. Hein. Écoutez bien. Malheureusement, ce n'est pas le titre. Clément. Non. Clément, quoi tu dis Clément ? Ina. Non. Ouais. Ina, ah non, pas du tout, non. Ah oui, Ina, c'est très latino. Ah, c'est pas très latino. Oui, Aurélie. Obsession ? Oui ! Oui, Aventura. Aventura, exactement. Avec Obsession. Obsession. Obsession. Oh, que rico. Que rico. C'est vrai. Bon, alors très bien. Alors attention, les filles, 1001 points pour vous, 2 points seulement pour les mecs. L'extrait. On a gagné, non, attends, il en reste un. L'extrait, le dernier extrait, c'est le Hyper Banco qui vaut 1 million de points. One million, baby. Ok. Ok. Alors attention, vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Celui qui trouve gagne. Ah, c'est facile. Ouais. Ah ouais. Jessica. Lambada. Ouais. Les filles terminent avec 1 million 1001 points. Ah bravo les filles. Alors que les mecs n'ont que 2 points. Les mecs, vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très mauvais. Ah c'est honteux, honteux. C'est la honte de la honte. Oh Mika. Ouais. Je peux passer une dédiée. Bah t'auras gagné ça au moins, bah vas-y. Bah mais c'est bien mon frère Joey à Olive. D'accord, ok. Bon bah les messages sont passés en tout cas. Bon Clément et Mickaël, vous rentrez chez vous les mains vides. Hein. Ouais. Bah oui, ça arrive. Hein. Bon bah salut. Hein. Oh Mika. Ouais Clément. Bon, message de bienvenue aussi s'il te plaît. Oui, ça bien sûr, ça avec plaisir. Attends, je vais t'en mettre un petit là. Attends. Ça n'a rien à voir, ne le prends pas pour toi. Hein. Ta mère a le sucé les bites de culé, coachier. Voilà, ça n'a rien à voir, je ne connais même pas ta mère. Hein. Bon, salut Clément. Merci. Ciao à toi et salut Mickaël. Bon, les filles, bah Aurélie et Jessica, bah bravo, vous avez gagné une nuit avec Toff. Oh, super. J'espère que ça vous fait plaisir, Aurélie. Combien mesures-tu ? Aurélie ? Moi ? Oui, combien mesures-tu ? 1m65. Combien pèses-tu ? 48 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Il faut manger maintenant. Hein. Mais non. Quel est ton tour de poitrine ? 85B. Et la tête, on est pas donc comme Denise ? Non, B comme bite. B comme Bernard. Ah, voilà. Comme Bernard, oui, aussi. Et la taille du pantalon que tu as acheté, Aurélie ? 36. Oh oui. Oh, là. Bonne qu'est-ce qu'elle est ? Et Jessica, combien mesures-tu ? 1m67. Combien pèses-tu ? 53 kilos. Quel est ton tour de poids ? Il faut manger maintenant. Mais non. Ça, c'est secret. Ça, c'est secret. Oh, ça doit être énorme. Et 85D. Oh, ah oui, D comme là, Denise, là. Alors, là, pour oh, le coup. Là. Là. Et la tête de l'importance que tu as acheté. Là, ou D comme dans 36. Le 1000. Oui, oui, 36. C'est ça. 36. Voilà. Oh, ah, là, oui, là, là, là, là. Bonne. Merde. Merci. Ah ouais, là. On s'est mis bien là pour le karaoké. Ah bah là on s'est mis bien. Heureusement on a dégagé les mecs. Ouais, ça rien, hop, voilà, on fait le ménage, on s'est mis plutôt pas mal. Bon okay. Aurélie et Jessica, je vous fais des gros bisous les filles. Oui, ça marche. Salut, bisous. Salut. Je vous on embrasse. A pas de cadeau. À bientôt. Mais si vous avez géré ça avec Sandro, vous inquiétez pas. Ah ok. Salut. Attendez, je suis là. Ah ouais, non oui c'est ça, parce que le cadeau c'est tough en fait. Hein, ouais, non, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez avoir. Ça vous intéresse pas ? Il y a un plan B ou pas ? Bon. Il y a moi, c'est un polo, si vous voulez. Je plaisante. Un gros bisou. Oui, mais tu dois pas présenter, tu sais, Jessica, t'inquiète pas. Tu l'as déjà vu, toi, à quoi il ressemble en vrai ? Non. Eh ben, vaut mieux. Restons sur l'imagination. Bon. D'accord, okay. Salut les filles, je vous embrasse. Ciao. Salut, bisous. À bientôt. Ciao. Allez, dans un instant, les appels de Toff, on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Et puis, on va se mettre le son de Avicii. Tiens, maintenant, c'est parti. Avicii, lay me down. Il est 1h42, appel de Toff à suivre. Les Polo contre le reste du monde également. Là, appelez-nous hein, si vous voulez participer à Polo contre le reste du monde. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bonne nuit, tout le monde. Il est pas bon, il est énorme le son d'Avicii avec Lay Me Down. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, il est 1h47, il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes. Et puis on va se faire le dernier appel de Toff. Donc hein, d'habitude on fait 1h30, là on n'a pas la traîne. Dernier appel donc, puisque nous sommes tombés sur cette grande étude qui disait que que si votre meuf vous trompait, c'était probablement avec un sportif. Exactement, beau, musclé, donc il fallait se méfier des sportifs. Toujours. Ne laissez pas votre meuf s'approcher de sportifs. Exactement. Donc on appelle des gens afin de vérifier si effectivement... si on tombe sur une meuf en l'occurrence, on va lui demander quel est le mec qui pourrait faire chavirer son cœur, quoi. Exactement. Voilà, enfin chavirer sa nuit. Allez, c'est parti, on y va, on appelle grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir avec quel type d'homme votre femme serait prête à vous tromper. Je sais pas pourquoi. Ah ben, je sais pas, monsieur, je vous pose la question. Mais écoutez, ce ne sont pas des questions à poser. Ah ben, si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Eh bien, vous raccrochez immédiatement. Ah ben non, vous avez pas répondu, monsieur, donc on peut pas raccrocher. Vous raccrochez. Ah ben non, faut d'abord répondre à la question, monsieur. C'est pas faire reculer. Ah non, monsieur, non, enfin, pourquoi vous dites ça? Pas de ça entre nous. Bah oui, bon on le rappelle. Je sais pas. Pour accrocher. Va te faire enculer. Allez hop. Il avait pas l'air en pleine forme, il avait l'air en drôle. Non, il avait l'air. Allô? Oui, monsieur, vous êtes pas gentil. Écoutez, surtout pas avec un mec qui n'a pas de couilles pour afficher ce numéro. Ça va pour téléphoner en privé. Mais, ça va? Non mais je vous donne mon numéro moi si vous voulez. Mais. Oui quoi? Bah non, je sais pas, c'est vous voulez mon numéro, monsieur, je vous le donne. Mais je vais te faire voir, mon vieux. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais enfin, monsieur, ça se dit pas, des choses comme ça. Moi, je... Mais non, ça se dit pas, mais c'est des questions à poser, là. Bah oui. Pourquoi je pourrais pas vous poser la question, monsieur? Et c'est en quel honneur? Bah, c'est pour savoir, monsieur, parce qu'en fait, comme il paraît qu'il y a 39% des femmes qui préféreraient tromper leur mari avec un sportif, peut-être que la vôtre, elle a d'autres envies. Ouais. Bah oui. Donc bah, voilà, oui. C'est pour ça que je vous pose la question, monsieur. Et c'est quoi cette enquête? Ah, c'est juste pour savoir, monsieur, c'est pour moi, à titre informatif. Oh oui, t'es pas un obsédé, toi? Mais pas du tout, monsieur, enfin pourquoi vous dites ça? Enfin, je comprends pas. c'est pas logique ce que vous dites, monsieur. Et puis c'est pas gentil. Merde, il est raccroché. Oh. Bon, attends, on va le rappeler, même pas dire au revoir. C'est le mal. Non, on peut dire, bon, bah, va se faire enculer, puis raccrocher. Bon, là, au moins, on aurait eu une finalité. Bah. Malheureux de devoir rester là. Monsieur, je comprends pas. Faut pas vous énerver comme ça, monsieur. Vous pourriez être un peu gentil quand même. Attends. Enculé. Ouais. Pourquoi... Enculé. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Va te faire foutre, enculé. Mais enfin, madame, ça se dit pas des choses comme ça. Oh, et Germaine derrière, là. Quelle sympathie. Ah bah, elle a plus la forme que le monsieur, là, a priori. Hein. Bah, il se fait tard. Hein. Bah, c'est ça. Bon, restez là, hein, puisque je vous cale dans quelques minutes le nouveau Will.i.am avec Bee. Décidément, entre Katy Perry et Birthday, Will.i.am avec Birthday, bientôt on fera que des Birthday, que des anniversaires. Voilà, wouh, ce sera Will.i.am dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, Salomé est avec nous maintenant, là. Salut Salomé. Salut l'équipe. Comment ça va? Ah, je m'attendais à une fille. Ben non. Bah je pensais. Écoute, ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. Ça va Salomé de Clermont-Ferrand? Ça va très bien et toi? Très bien, qu'est-ce qui t'amène? Ben il m'amène que j'ai un fantasme que j'aimerais faire au moins une fois. C'est un orgie. Avec une femme et 10 mecs qui nous éjaculent sur le visage. Attends, donc toi tu veux coucher avec une femme Et qu'il y ait 10 mecs qui vous éjaculent sur le visage. Exactement. Mais j'ai envie de dire avec plaisir, ça a l'air génial. Ouais, non mais, pourquoi? Tu peux nous en dire un peu plus peut-être? Hein? Salomé? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu peux peut-être éventuellement aller au bout des choses et peut-être nous expliquer un petit peu d'où vient ce fantasme très courant? Ben, ça fait déjà quelques années que j'ai ce fantasme. Ouais. Et là, c'est devenu un point où vraiment je vous aurais dit. Mais ce qui t'excite le plus, c'est de sentir le sperme chaud couler sur ton corps ou c'est le goût que ça te procure après? Sur le visage, au visage, Tof. Visage. Oui. Non, mais. J'aime bien qu'il coule sur mon visage. Ah oui, d'accord, oui. Ah, oui, oui. Et tu mais te fais des 10 en même temps ou tu veux faire des pauses? Parce que ça non, va être difficile. En même temps. Ah, non, okay. Bah, ça va être difficile de synchroniser, hein. Ah bah ça, genre, ils se démerderont. Bah oui, non, bah ils se démerderont bien sûr, mais je veux dire, ça va quand même être difficile de, ça va quand même être difficile de synchroniser, quoi, Salomé, hein, ça c'est certain. Mais t'en as déjà parlé à une meuf éventuellement de ce délire? Pas vraiment. Déjà, il y a moi et Toff, on veut bien t'éjaculer au visage. Ouais, grave, hein. Moi je suis prêt à venir. Et je pense que Sandro, ouais, elle veut bien faire la meuf. Ça vous intéresserait. Elle va t'éjaculer au visage, elle aussi. C'est sérieux ce que je dis. Mais bah, oui, mais on n'a pas dit le contraire. Bon, moi ça m'intéresse pas, j'annonce. Hein. Sandro est une femme fontaine, elle va t'acheter 2-3 litres de. 2-3 litres de mouille à la gueule, tu vas voir, on va être bien là. Merci Polo, là, c'est vrai, grande classe. Avec une femme comme expérience. Et tu veux pas faire une golden shower? Parce qu'avec Polo, on est spécialiste. Non, ça m'intéresse pas, vous trouvez moi des personnes qui sont d'accord et. Bien sûr, ça va pas être facile après. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, Salomé, parce que là on arrive en fin d'émission, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est éventuellement t'en prendre demain. Pour voir un peu si on peut trouver, je sais pas moi, des gens comme ça qui pourraient être intéressés, parce que là c'est vrai qu'on c'est difficile de trouver comme ça en 5 minutes une meuf qui serait d'accord de faire ça et en plus en trouver 10 mecs qui seraient d'accord aussi de faire ça, quoique les mecs c'est peut-être non, c'est peut-être plus facile. T'as raison, alors mieux faire comme tu dis. Bah écoute, je sais pas, c'est une idée après, hein. On pourrait peut-être éventuellement demander à Jean-François demain, on pourrait demander à plein de monde, hein. ça c'est possible. Mais ça fait longtemps que t'as ce fantasme? Oh ouais, ça fait 5 ans. Ah d'accord, ok, très bien. Ah attends, parce qu'on a Cristal qui est là justement, tiens, c'est la meuf de Jean-François. Cristal? Oui, allô? Oui, Cristal, ça va? Oui, je suis là. Très bien. Ah, je parle pas avec elle, moi. De quoi? Je parle pas avec elle. Pourquoi? Ah bah pourquoi? Enfin, je suis plus avec elle. Est-ce qu'il y a... Ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas? Bah pourquoi? Enfin... La voix, c'est à cause du mic, enfin c'est le téléphone qui déconne, c'est pour ça qu'elle a la voix un peu bizarre. Bah oui, parce que c'est la meuf, c'est la meuf de Jean-François. Ah oui, moi j'étais chaude avec Jean-François, on allait venir. Je connais les questions. Nous, dès qu'on a entendu, on voulait venir. Non, t'emmerde pas, Toff, il connaît l'émission. Bon bah, je suis déçu. Oui, bon bah, tout de suite, Toff. Oh, le pauvre. Ah, c'est un petit sac de pu, hein, Toff, hein. Bah oui, ça c'est sûr. Dès qu'il y a du caca, il arrive, lui, hein. Bon, Salomé, on va te reprendre demain, du coup, et on va parler justement des fantasmes que vous avez déjà eus, les fantasmes les plus bizarres, glauques, surréalistes, etc. Et surtout, est-ce que vous les avez assouvis? Je sais, c'est la première et dernière fois. De quoi? Cette expérience. L'expérience? Oui, bah je me doute que tu vas pas le faire tous les week-ends, hein, mais. Et Toff, le fantasme le plus surréaliste que t'es assouvi? Bah il y a la croix. Attention, déjà, c'était pas mal. Ouais. Donc la croix, il faut savoir que, pour résumer, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas là tous les soirs, ouais. La croix, c'est quand même une meuf qui l'a attachée sur une croix dans sa cave. Ouais. Et donc il s'est fait. C'était enculé. Quoi l'histoire? Ouais, enculé, ouais. Enculé à sec. Exactement, et attaché avec du barbelé. À barbelé, et il jouissait tel une salope. Ouais, ah oui. Ah, mais c'est Toff. Bah voilà, c'est ça. Et il y en avait un autre, un fantasme? Il y a déjà des trucs de dingue, déjà, comme des pensées comme la mienne, alors... Ah oui, bah oui. Que le monde entier, il est pas comme ça, parce que sinon, ça serait même pas la peine. Je te le confirme. Ouais, sinon, j'ai fait du bondage avec du fil électrique. Mais bon, moi, c'était un fantasme vite fait, que je voudrais faire, et c'est moyen, ben voilà, quoi. Bah oui, voilà, exactement. Bah écoute, on va te reprendre demain, du coup, Salomé. Ok, très bien. D'accord. D'accord. Bon, on va essayer de trouver d'ici à demain. Bon, je te promets rien, mais on va essayer. On va y réfléchir. On va essayer. Je ne promets rien, on va essayer. Bon, Polo contre le reste du monde. On a le top tweetos dans 5 minutes également. On verra bien qui sera le numéro 1 dans quelques instants. Et puis, Polo against the rest of the world. Bienvenue dans Polo against the rest of the world. Vous êtes sur Fun Radio. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Et puis, comment vous dire? Eh ben moi ça me fait plaisir d'être là tous les soirs. On commence tout de suite avec Jean-Jacques Dulac. Monsieur Dulac. Oui. Ouais. Oui, allô Polo. Comment ça va mon pote? Je suis pas ton pote, dégage d'ici. Mario. Ah non, Mario il veut pas parler ici. Aurélie. Allô. Oui Aurélie. Ça va Polo? Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux Aurélie? Je t'écoute. J'aimerais bien te voir. C'est-à-dire tu voudrais bien me voir? Quand je vois qu'on voit un coup ensemble. Tu veux? Envoie-moi une photo à polo@funradio.fr, P-O-L-O, d'accord? Je l'attends. Okay. Tout de suite, là, comme ça, on en discute juste après, ok? Aurélie? Oui. Ok, vas-y, envoie-moi ça. Jean-Yves Lafesse? Oui, Polo, bonsoir, comment tu vas? Bah bien, et toi? Ça va, nickel. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, bah c'est encore pour un concours de blagues. Hein. Non, okay. Mais je ne veux pas. François? Ouais, salut. Salut, François. Ça va? Ouais, et toi? Ouais ça va Polo. Qu'est-ce que tu veux? Bah je voulais savoir comment tu vas. Ça te regarde pas ça. Johan. C'est le dieu Aphiras qui va te dire les pires blagues du monde. Ah t'es un monstre c'est ça? Ferme ta gueule. Johan. Oui. Tu as 13 ans. Et alors? Et alors tu fermes ta gueule toi d'abord. Jean l'autiste. Oh oui bonsoir. Ouais. Comment allez-vous? Ah, c'est la soirée des comics ce soir. Là, l'autre, il est en train de nous faire des imitations. Ah non, il n'y a pas de blague, pas de blague. Bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, je vous appelle parce que quelqu'un est venu me voir et puis c'est plein par rapport au « je t'emmerde » que vous avez mis hier soir. D'accord. Trop de « je t'emmerde », son nom est marre. Hein. D'accord. Donc, il s'est plein. Ok, merci Jean-Lotte. Jean-Jacques Dulac. Oui, si tu veux, je te fais des fausses lettres. Des quoi? Des fausses lettres. Des fausses lettres? Des chaussettes. Ouais, non, j'en veux pas. Aurélie, le retour. Tu m'as envoyé la photo? Oui. T'es sûr de ça? Oui. J'ai rien reçu Aurélie, bah j'attends la photo, d'ici tant que j'ai pas la photo, je parle pas avec toi. Jean-Yves Lafesse. Oui, non, je te jure, là, c'est vraiment sérieux. Ce que je dis, c'est vraiment sérieux. C'est quoi? Bah pour la blague. Vas-y, vas-y, fais-la ta blague pourrie là. Tu sais ce que fait Jean-Claude Van Damme en mon. Tu sais ce que fait Jean-Claude Van Damme en montant dans sa voiture? Non. Il fout le contact. Jean-Yves. Oui. Trouve-en une meilleure. Aurélie? Oui. J'ai reçu... tu t'appelles pas Aurélie en fait? Si. J'ai reçu ta photo. Ah t'es, bon. T'es une brune? Oui. Tu t'appelles Sandra? Non. Bon alors c'est une autre fille qui m'a envoyé une photo. François? Ouais. Que veux-tu? Christelle, elle est là ce soir? Non, elle est pas là. Johan? Ma blague? Vas-y. C'est que j'ai un accent québécois, tu vas voir. Vas-y, fais ton accent québécois. Si t'es mauvais, je te dégage de suite, là. Pas de conclusion. Ok. Vas-y. Oh. Qu'est-ce qui est passé tout à l'heure? Il est où ton accent québécois, là? Ah, les cambris en lourd. Je crois qu'ils l'ont mis dans son cul. Hop, allez, dégage d'ici. Jean Lotis, t'es pas drôle, mec. Oui, mais c'est Polo. Ouais. Oui, que se fait un bleu quand il tombe? Je sais pas. Bon, les gars, il va falloir arrêter le festival de la blague parce que je vous accepte plus. Ok, Jean l'autiste? Oui. C'est la dernière fois, d'accord? Allez, ça marche. Bon, allez, on fait un petit tour pour conclure. Jean-Jacques Dulac, conclusion, s'il te plaît. Oui, mais t'as pas froid au pied, toi? Non, allez, dégage d'ici. Aurélie, qu'est-ce que tu veux? La photo, t'as pas reçu? Si, ouais, je l'ai reçu. Tu veux qu'on se voit? Ok, quand tu veux. Ok? Quand tu veux. Tu veux quoi? Tu veux faire quoi exactement? Boire un coup? En fait, elle veut être avec 10 mecs qui se terminent au même moment, etc., etc. Tu veux qu'on t'éjacule à ta face de... Oh, baltringue que tu es, va. Hein? C'est ça que tu veux? Ouais, Aurélie? T'as eu peur. Oui. C'est ça que tu veux, hein? Non. Tu veux quoi, alors? De boire un coup, normal. T'es excité hein, par ma personne. Tu l'aimes, l'homme. Tu aimes l'homme. Hein, c'est ça? Quel homme? Hein, Aurélie? Non, pas forcément. Bon, allez, au revoir. Jean-Yves Lafesse, conclusion. Ouais, tu sais ce que ça fait? T'es trop, très trop lent. François, conclusion. Ouais, tu sais qu'est-ce que c'est un petit peu là sans... Allez, dégage d'ici, j'ai dit c'est pas le festival de la blague ici. Jean-Lotis, conclusion. Bon, écoute-moi, pédicotier, Je vais venir, je vais t'enculer. Pélux, gros bâtard. Au PDA, je vais venir, je vais t'enculer. Pendant 11 heures, je vais te faire le cul. Espèce de gros bâtard. Non, non, c'est pas ça. C'est je vais te briser les os et je vais. Je te brise les os et je t'encule au passage. Ouais, parfait. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette, pauvre trou du cul. Allez, dégage d'ici. Ainsi se termine ce polo contre l'Asie du monde. Veuillez prendre note pour tous ceux qui voudront passer à polo. C'est terminé les blagues. C'est plus pas blague. Un festival ici. C'est terminé. Ok ? Bon, merci à ceux qui m'écoutent et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça n'a pas de prix. Exactement, exactement. Bon, allez, c'est parti, 2h01 sur Fun Radio. On va déjà remercier tous ceux qui étaient là. Il y a Brian aussi qui dit je suis abonné, mais je vois pas la sextape. Eh ben, pourtant, elle est dessus, hein, c'est-à-dire tu peux pas la rater. Hein. Elle est sur la chaîne YouTube de l'émission MIKL Officiel. Et puis, si tu la vois pas, tu vas sur MIKL Officiel sur le Facebook. Et puis là, bah, tu vas voir, hein, je l'ai posté dessus. Donc, tu peux pas la rater, hein, la sextape de Nabila. Bon, alors, quel est le numéro dans le top tweetos de ce soir? On va donc démarrer avec le numéro 5. Quel est l'auditeur qui a été le plus influent ce soir sur le Facebook de l'émission? Numéro 5, Fredes34. Numéro 4, le Bosniakov. Numéro 3, Choucroute. Il a perdu sa première place. Ouais. Numéro 2, Jordan Espana. Et numéro 1, Jérémy Titi. Jérémy Titi qui a déjà gagné. Oui, mais ça fait assez longtemps. Ah, je ne sais pas, faut vérifier. On va vérifier. Bon, sinon ce sera Jordan Espana qui repartira avec le sextoy offert par... Ouais, ça, je lui désire. Évidemment. On remet le couvert, évidemment, nous, demain, à partir de 23h, hein, sur Fun Radio. Et puis on va remercier également tous ceux qui étaient là, qui nous ont mis en top toute la soirée, en tout cas, sans rien vous demander, ça change les autres. Freestan qui était là, il y avait Christophe, il y avait Virginie également, il y avait Jordan qui a fini deuxième, il y avait, où est-ce qu'il est, Jérémy Titi qui a fini premier, Nadia également, il y avait Sandra B, il y avait, quel autre aussi, DJ Daminou, il y avait Rock'n'Wolf, il y avait, je l'ai fait défiler au fur et à mesure. Hein. Il y avait Freestyle, je l'avais déjà dit, et puis ça va pas plus bas. Il y avait Mickaël No Limit aussi, mais c'est pas moi, c'est un autre, etc., etc. Bon, bah, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux. On s'est bien marré ce soir, on fera encore mieux demain, en tout cas, je l'espère. Ouais. Et puis passez une bonne nuit, bon retour dans votre lit plutôt. Et puis rencard demain pour la dernière de la semaine, à partir de 23h, on sera de retour avec le canular également. Hein. Le canular, et n'oubliez pas Nabila également, la vidéo avant qu'elle soit supprimée. Parlez-en demain à vos potes, faites tourner également chez vos amis de la vidéo, donc la sextape de Nabila sur le YouTube et sur le Facebook de l'émission. Vous tapez MIKL Officiel. Merci à Tim également d'être passé nous voir ce soir. Merci bien les gars. T'as pas été perturbé par Toff et sa gueule, non? Bah, un petit peu, mais bon. Ça va. Autant que tu te suicides pas en sortant de la radio, ça va. Voilà, c'est ça. T'as pas été perturbé par Polo non plus? Non, ça va. Il est beau, Polo. Il était très doux avec moi. Il a été très doux, c'est ça, tu parles. Bon, allez, on se fait le générique de fin avant de partir. Allez, hop là, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, teuf te sucer, toi, l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Va te faire soigner, connard. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce d'enculé. Mais ils sont canadiens. Oh, pas le flingue, Cotier. Oh, pas le flingue, Cotier, enculé, va. Toi, l'enculé. Ferme ta gueule de mer, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi, l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi, ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, en toute simplicité. Yeah. Allez hop, on se retrouve demain à partir de 23h. Bonne nuit tout le monde. À demain, ciao. Allez hop là. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god, Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et j'avais presque oublié, mais je vous avais promis le son de Will.i.am aussi avec Cody Wise, c'est Birdie, on va se le mettre maintenant. Et on revient demain juste après Love in Fun à partir de 23h sur Fun Radio. Et c'est parti maintenant, le son Dance Floor en non-stop jusqu'à l'arrivée de Bruno à 6h. Ciao tout le monde. Uh-oh, new Urvasi. Uh-oh.